Oh, bonjour encore. Bonjour, ingénieur. J'espère que vous avez. Ça, c'est votre jour maintenant. Ça, c'est ton jour. Et c'est ton jour, d'accord? Donc, vous voyez que depuis que vous êtes venu, je ne vous ai pas dérangé. Oui. Avant que vous fassiez le déjeuner, est-ce que ça vous a semblé bizarre? Ça vous a semblé bizarre hier? Toi particulièrement. Quand tu es venu, qu'il dit que non, non, non, comme vous m'avez trouvé occupé, que. Il tente de faire les choses, il dit que non, ne vous inquiétez pas, sentez-vous à l'aise et restez tranquille, on va parler. Ça ne vous a pas fait bizarre, c'est pas comme si tu arrivais à Doha là, tu voulais pas tout plus parler. Non, pas du tout. Et toi alors, frère? Non, ça va. Tu sais, je suis quand même assez préparé. Dans les enseignements, j'ai quand même suivi beaucoup de choses. Comme quoi par exemple? Comme par exemple, le fait, dans les enseignements, tu as dit que quand quelqu'un arrive à la maison et que tu es occupé. La personne peut parler pendant que tu travailles, la personne va continuer à parler. Toi là, tu es trop fort. Si tu t'es pour écouter la personne, c'est pas bon. C'est un danger même pour la personne. Donc, juste justement pré-garder. Oui, il y a beaucoup d'autres choses comme ça qu'en écoutant, c'est resté dans ma tête. Ce qui fait que ça ne peut pas vraiment se prendre. Et quand tu écoutes quand tu écoutes les enseignements et la personne que tu vois devant toi, tu penses que c'est. Tu penses que la personne devait être. Tu pensais que tu devais me trouver comme ça? Non, déjà, les enseignements m'ont fortifié, tu vois. Donc, m'ont préparé même. Oui, ils m'ont préparé. Parce qu'il y a dans l'un des enseignements où tu dis que tu étais à la radio, on t'a appelé, monsieur, un militaire, je pense, une étude Saint Jean Bouya. Il te voyait avec le frère Émile dans la voiture. Tu ne voulais pas parler. Le colonel, oui. Voilà. Donc, il y a dans beaucoup d'enseignements où tu dis que. Le coup de type. En voyant, tu savais que le garçon il a les coups. Voilà, il savait qu'il n'est pas affaire à une grande personne. Et aussi, j'ai vu un enseignement sur la Sainte Sainte vidéo. Oui. Mais je t'ai vu de tout. Voilà. Ça, c'est sur Jésus-Christ Télévision quand il a enseigné en 2000, combien là. Oui. Donc j'ai vu ça, c'est tout récent même. Ça. Voilà. Donc ça veut dire que tous les enseignements qu'il y a sur Internet, tu n'as pas encore tout vu? Non, je n'ai pas encore tout vu. Courage, hein. Pas encore trop. Mais donc je vois progressivement. Bon, c'est vrai aussi que je regarde beaucoup plus quand je suis au bureau. Comme il y a la connexion internet, je télécharge ce que je peux. Oui, oui, oui. Et à la maison, quand je rentre fatigué, c'est pas très évident. C'est pourquoi j'ai pris, par exemple, le samedi, quand je suis pas vraiment occupé. Là, tu te concentres, oui. Voilà. J'écoute et je lis. Donc, ça, c'est la nouvelle résolution que j'ai prise depuis environ 2 mois. Et vous avez bien voyagé, n'est-ce pas? Oui, pareil, fastidieux. Ça n'a pas été fastidieux en route? Non, non, pas du tout. Donc, je suis désolé déjà pour le fait que je ne sois pas venu vous chercher en route. Quand les gens viennent normalement ici, comme je suis un peu dans le quartier, je vais les chercher en véhicule. Et comme le véhicule est au garage, c'est pour ça que j'ai dû vous indiquer que vous arrivez jusqu'ici. D'accord? Vous me pardonnez pour cela? Il n'y a pas de souci. Encore qu'on n'a pas eu de problème pour retrouver la maison. Ok. Oui, on n'a pas eu de souci. Comme vous avez constaté, madame n'est pas là. Elle est en Côte d'Ivoire, donc. C'est moi qui m'occupe, donc je vais vous faire le déjeuner maintenant. D'accord. Bon, ok, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vous fais les œufs. Il y a les œufs. Mais si il faut faire les œufs, il va falloir retirer les tomates d'abord, attendre que ça décongèle. À moins que vous voyez qu'il fasse les œufs avec le saucisson, sans, avec le oignon, sans la tomate. Vous choisissez. Ou bien je fais juste le lait et du pain. Non, je préfère les œufs. On fait les œufs aussi. Oui. Ok, comme ça on aura le temps de bien consister. Combien d'œufs pour vous? Oui, je vais prendre juste le lait. Le lait, hein? Ok. Comment était votre sommeil alors? Bien. Ouais, tout le monde, j'ai beaucoup rêvé, mais j'ai oublié. Même ce matin, quand je me suis levé, je suis parti me laver. Je suis encore venu me coucher. Tu as encore rêvé? J'ai encore oublié. Si je rêve beaucoup et j'oublie aussi beaucoup. Difficilement, je me souviens à mon réveil. Ma soeur a dit que tu as dit que tu veux ce moment. C'est le lait et le. Voyez le truc du marron là. Donc, pour revenir à ta question, c'est ma soeur qui était un peu surprise. Elle m'a dit hier. Non, laisse-la parler. Ah, d'accord. Moi, tu parles quoi alors qu'elle n'a pas de l'âge. Elle a de l'âge. Même si il est trop bien. Mais elle ne veut pas parler. Hier, vous voulez que la présentation soit refusée. Hein? Qu'est-ce que tu as dit dans ton cœur que hey, c'est quoi ça encore? Non, le problème, c'est que bon, je m'attendais à une personne un peu plus mûre. Ah, donc, comme toi, tu as suivi dans les enseignements, tu n'as rien dit dans ton cœur. Mm-hmm. Tu lui as rien dit. Mm-hmm. Toi, tu pensais que les pasteurs sont comment? Que les pasteurs sont grands de taille. Non, pas, je ne sais pas la taille, donc l'âge en fait. Mm-hmm. Tu ne t'attendais pas à voir un jeune garçon. Ouais. Bon. Bon, ok, dans ce cas, il veut veiller, ne t'inquiète pas. D'accord. Ce qui veut faire, c'est que si tu fais ça dans la tasse, ça sera petit. Donc, je vais te faire ça quand tu fais avec les enfants. Dans un petit truc, dans le Faut que tu manges bien, faut pas que tu. Quand on va commencer la prière, là, tu tombes alors que c'est la famille. Mmh. Hey, maman. Mmh. C'est toi. En son temps, tu agis en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, tout le monde. Ça, c'est pas ça, tout le monde, ça. Ça dit. C'est mon sauveur, enfant. Donc mon cher, je parle moi. C'est ta petite soeur là-bas, n'est-ce pas? Oui. Comment elle s'appelle alors? Elle m'appelle Fossi Mireille. Mireille Fossi. Et Jules Fossi. Voilà. Et la famille Fossi. Exactement. Mmh. Tu veux aussi les tu veux aussi le lait, n'est-ce pas? Non. Pour moi, les œufs suffiront. Non, mais attends. Tu manges les œufs simples. Mm-hmm. Il faut prendre les. Il faut que ça te chauffe la poitrine. Que tu parles bien. D'accord. Oui, dans ce sens-là. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. D'accord. D'accord, vous êtes chez vous. D'accord. Vous avez vu qu'il n'y a pas de restrictions ici, non? Oui. Que je laisse si généralement, quand je prends le matin, ça me fait plutôt dormir. Non, tu n'as pas dormi, puisque tu as très bien dormi. Oui. Parce que ce sont dans ton œuf, ça te dérange? Non. Quand on n'a pas vu ma femme, vous aurez pensé quoi aussi, alors? Madame Mireille, il faut aussi. Bon, vous avez dit qu'elle en vache. Mais je me demande si elle est toujours là pour la même mission que vous. Oui. Elle est là pour soutenir les sœurs. Son travail, non, elle veut faire comment? C'est pas, ça ne veut pas dire qu'elle est pasteur. Hein? Il ne faut pas croire qu'elle est pasteuse. Je n'ai pas pensé à ça. Ces gens peuvent dire que quand quelqu'un voyage pour soutenir les gens, dans le ministère, c'est toujours que c'est parce que c'est un pasteur. Tu vois, depuis que vous êtes venu, je n'ai pas fait quoi que ce soit à votre rencontre, pas vrai. Ouais. Sauf quand vous avez mangé. Parce qu'il fallait que je m'occupe de tous ceux-là, que répondre aux questions par ci, répondre aux questions par là. Et c'est ce matin, tout à l'heure, quand j'allais me laver, quand je me lavais, que j'ai prié et que Dieu m'a parlé de toi. Hé, hein, Mireille. Mm-hmm. Ah, c'est bien ce maintenant. Honneur à vous. Pourquoi? Ben voilà. Et bien le cul ou du sel? Le sel. Je lui souhaitais être ici depuis, n'est-ce pas? Oui. Là, tu vois que Dieu fait toutes choses bon en son temps. Et avant même d'arriver ici, il est arrivé deux fois que j'étais ici. Voilà. Alors, raconte-moi. Moi, je t'ai dit, j'oublie tes rêves beaucoup. Mais le premier, quand même, je me suis souvenu que je dormais, je rêve que je suis venu ici et que j'ai trouvé des personnes ici à la maison. Oui. Tu m'as amené plutôt dans la chambre. Oui. Oui. Et c'était pour qu'on prie. Tu m'as montré là où je pouvais me mettre à genoux pour prier. et tu étais de l'autre côté. Tu dis, quand je regarde comme tu m'as présenté la chambre hier, oui. Ça c'est la même disposition que j'ai vue dans le rêve. Ça ne t'a pas étonné? Ça m'a pas. Ça ne t'a pas étonné? Bon, jusqu'à maintenant, je... ça m'étonne. Ça m'étonne parce que quand j'ai fait ce rêve-là, j'ai fait un second. Le second, j'ai oublié, mais je sais que j'étais toujours ici. Oui, je suis toujours venu ici à la maison. On causait. En fait, tu m'expliquais certaines choses dans ce second rêve-là. C'est vrai que j'ai oublié, véritablement. Et c'est l'autre jour, avant que je ne t'appelle là, que dans les enseignements, tu dis que quand on vient à la maison, c'est dans la chambre que tu pries. Je dis, waouh! Donc, c'est à ce moment que le rêve me revient dans la tête. Oui. Mais tu n'as pas dit que tu m'expliquais le pasteur comme ça qui pousse dans la chambre. Ça, effectivement, quand je m'étais réveillé de ce rêve-là, j'ai posé beaucoup de questions. Mais comment est-ce qu'on prie dans la chambre, forcément? Qu'est-ce qui est dans la chambre de spécifique pour que ce soit le lieu où on va aller prier? Je me suis posé beaucoup. Alors là, c'est vraiment dit que c'est sûr qu'il a un alliance de pas la chambre. Oui, en fait, moi-même, je suis allé jusque-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette chambre-là? Et aussi que quand tu m'as demandé, tu m'as montré là où tu devais rester pour prier, tu étais plutôt de l'autre côté. Tu lui dis que, mais là où il était tenu. Que c'est, pas que, c'est pas le plan qui fait comme voilà, ça. Voilà, est-ce que là-bas, c'est pas. Quand, parce que c'est net comme ça que j'ai vu. Mm-hmm. Oui, donc il dit, quand je suis ici en train de prier, que lui il est plutôt en train de se placer. Il peut fermer les yeux là comme ça, quelque chose. Tu te dis qu'il peut fermer les yeux comme ça, quelque chose arrive. Tu vas jamais venir sur la terre. Et puis seulement que Dieu me permet que ma mission finisse et rentre, vous allez mieux finir. Mais c'est normal, en tant qu'être humain, c'est normal que les pensées comme ça se passent. Parce que c'est quand on va dans un terrain inconnu, on ne sait pas ce que. Et la prière, c'est du domaine de l'esprit. Donc, tu ne sais pas qui est qui et tu ne sais pas comment. Quoi faire? Oui. Mais en suivant quelqu'un, en écoutant avec le discernement des esprits, on peut savoir qui il est. Tu vois, n'est-ce pas? Oui. Si je suis quelqu'un à enseigner, je n'ai pas besoin de saigner pour savoir s'il est dédié ou pas. Je n'ai pas besoin de saigner. Mais... tu vois, non? Oui, oui. Même s'il cache n'importe comment. Je n'ai pas besoin de saigner. Il y a des gens qui appellent pour dire que je n'ai pas besoin de saigner. Ce n'est pas mon rôle de le dire. C'est au rôle de chacun de savoir que c'est le vrai, c'est le faux. Vous êtes venu, moi j'ai dormi à 2 ou 3 heures comme ça là. Vous avez, quand vous êtes levé la nuit, vous avez vu ma chambre était fermée. Non, non. C'est comme ça qu'on dort ici. C'est même à cause des moustiques que les portes sont fermées. C'est pour ça que j'ai mis les grillages là pour bloquer les moustiques. S'il n'y a pas de moustiques, de toute façon, souvent je dors ici. Ou bien souvent je mets le petit matelas là-bas, je dors là-bas quand il fait chaud. Souvent je dors là. Donc je n'ai pas de. Il n'y a pas quoi que ce soit. Vous avez vu un antigan ici ou bien un éditeur? Non, non, non. Ah, voilà. En disant ça pour moi-même, ma soeur m'a vu quand elle faisait les œufs. Elle a eu pitié, ça lui m'aider. La façon qu'elle a été dégagée, elle a vu la façon que l'œuf là, elle a dit qu'elle va se manquer son œuf. Et même si elle dit qu'elle va goûter ton œuf, tu n'as pas le refuser, pas vrai? Vrai. Je crois que qui a dit la marionnette si ma maman. J'espère. Voilà. Je crois que tu peux finir ça. Il faut rappeler ça. Quand ma femme est là, c'est elle qui veille sur telle chose est finie, telle chose n'est pas finie. Maintenant, je suis obligé de faire tout. Donc, en réalité, voici la situation. Quand il le fasse, il fait que les gens prient dans la chambre parce que, comme tu as fait le tapis, où je vais me mettre à genoux parce que le lit à moi, ma taille, je vais me mettre à genoux. Comme vous avez trouvé ma Bible là-bas, je vais me mettre à genoux, me prosterner comme ça. C'est là où je passe mon temps. Et j'ai pris cette habitude parce que la première maison où nous étions, il y avait seulement une chambre, un salon. Et par conséquent, quand les gens venaient, comme les gens étaient nombreux, ils étaient obligés d'aller dans la chambre avec certaines personnes pour que s'ils veulent causer avec toi et qu'il y ait une autre personne qui veut. La personne ne doit pas écouter ton problème. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, certaines personnes restent au salon le temps que je finis avec d'autres personnes. C'est comme ça qu'il fait. Donc, j'ai pris cette habitude-là. Comme vous voyez, vous venez vous trouver les gens au salon. Oui, je vais vous accueillir. Oh là, mon Dieu. Je vais vous accueillir comment? Donc, quand la maison est pleine, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, j'amène certaines personnes, je dis, restez ici. Pendant que ma femme parle ici à la cuisine avec certaines personnes, certaines femmes, d'autres restent au salon en attendant, je les mets les enseignements, je suis obligé d'aller dans la chambre avec d'autres personnes. Donc, quand on avait une chambre, un salon, on disait que c'était petit, on arrive ici encore, ça, c'est aussi petit. Donc, c'est comme ça. Mais généralement, quand quelqu'un dit, si quelqu'un tire la conclusion en disant, peut-être il a quelque chose dans la chambre. Mais si quelqu'un est dans la chambre, c'est dans la chambre, ça peut attraper quelqu'un. Non. C'est comme si tu mets le pied dans le but de la maison, pas vrai? Bon, en venant, est-ce que vous avez prié pour demander au Seigneur comment vous avez? Pour vous, c'est mon dit que vous demandez chez Frère Junior. Moi, j'ai prié. Ça a prié. Bon, pour venir, moi, spécialement, je n'ai pas prié pour ça. En fait, pas prié de, que le Seigneur me dise là où je pars. J'ai juste prié que je vienne ici et que je rentre pas comme je suis venu. Voilà. Ça, c'est la prière que j'ai faite au Seigneur. Même jusqu'à ce matin, c'est ce que je demande. Et cela arrivera tel que tu as prié. Mireille, tu es à l'aise? Je suis à l'aise. Tu vois que ici, on ne lance pas les courriers, non? Mm-hmm. Ici, il n'y a pas les herbes qu'on frotte sur les gens, non? Mm-hmm. Hein, Mireille? Je vois, je vois. Mm-hmm. Ici, il n'y a pas l'huile rouge qu'on verse sur la plante verte. Mm-hmm. Hein, Mireille? Mm-hmm. Tu sais de quoi ça me parlait, non? Je sais. Mm-hmm. Très bien, non? Donc, comme il dit, pendant que tu tentes de me laver, c'est là où le Seigneur m'a parlé de toi. Il m'a parlé, il m'a donné un passage biblique pour toi. C'est sur ça qu'on va développer ça. Derrière, c'est là qu'on va développer. Mais avant, je vais t'interroger. Et puis, quand je vais finir avec elle, je vais aussi t'interroger. Parce que toi-même, tu as des problèmes. D'accord? Mais pour ton problème, on va parler en privé. Là, c'est homme à homme. D'accord. Avec elle, je suis obligé de causer à côté de toi. Parce que c'est une femme et mon épouse n'est pas là. Il ne peut pas causer avec elle en privé. D'accord? D'accord. Donc, je suis obligé de causer avec elle à côté de toi. D'accord. C'est ta soeur. Vous n'avez rien à vous cacher normalement en principe. Oui, oui. Même si elle cache n'importe quoi, ça va être dévoilé. D'accord. Voilà. C'est pour ça que c'est des personnes qui viennent ici, puis il dit que c'est même quand il y a des personnes qui viennent, ils cachent quelque chose. Quand ils cachent quelque chose, on cache quelque chose, il ne peut que parler. On cache quelque chose, il parle. Donc, si ce n'est pas normal qu'on vienne chez un serviteur du Seigneur, on vient pour une solution, on essaie de camoufler quelque chose. On ne doit pas camoufler. Mm-hmm. Quand tu viens pour une, tu as des problèmes et que tu viens pour une chose, si tu as des choses sur lesquelles tu sais que tu peux dire, il faut dire. Mm-hmm. Mais à Dieu, parce que le Saint-Esprit, quand tu commences à cacher, il ne fait que te dévoiler. Et c'est bon comme ça, pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Donc, les choses qu'on frotte sur le corps, là, c'est fort. Hein, Mireille? Mimi, tu veux plus parler? Ça t'inquiète déjà. Ça t'inquiète déjà pourquoi? On va poser, d'accord? Moi, je ne veux pas qu'il te donne, il te coupe l'appétit. De l'eau à boire, c'est ça? Non, je ne pense pas. De l'eau à boire? Non, on n'en avait pas besoin. Voilà, donc. Et puis, je vais souvent vouloir regarder si le service n'est pas fait. Donc, ici. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est elle qui était étonnée, non? C'est ce qu'elle a dit. Oui, j'étais étonnée parce que je savais quand on arrivait ici, je devais voir. Comme j'ai dit tantôt, quelqu'un qui s'agit pour vous. D'où vient cette pensée-là alors? Comment tu fais pour avoir la pensée-là? Parce que de nos jours, je n'imagine pas un jeune. Mm-hmm. Tellement croyant jusqu'à ce niveau-là. Oui, je n'imagine pas. Vu ce qui se passe dehors maintenant. Mm-hmm. Donc c'est un défi pour toi aussi, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, pour les enseignements, n'est-ce pas? Oui. Ce qui me revient, oui. Ce que j'ai dû me chercher, oui. C'est-à-dire que la sainteté. Oui. Alors ça, c'est un aspect des plus qui me manque énormément. Oui. À un moment donné, je me suis dit que ce n'était pas possible. que c'est pas possible que quelqu'un soit saint comme la Bible l'a demandé. Oui, oui. Mais en même temps aussi, j'étais troublé. Parce que l'apôtre Paul dit aux saints qui sont à Corinthe. Oui. Donc il dit aux saints. Mm-hmm. Ça veut dire que ces personnes-là sont saintes. Mm-hmm. Et j'ai aussi suivi un autre enseignement où le prédicateur disait que quand on dit que saint, ça ne veut pas dire saint-saint là. Mm-hmm. Ça veut dire que saint en Christ. Mm-hmm. Donc saint-saint en tant qu'homme que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas atteindre la perfection dans ce monde. Est-ce que saint, ça veut dire perfection? Non, c'était... En fait, c'est un peu pour résumer, non? Mm-hmm. C'était quand même un enseignement qui était assez long. Mm-hmm. Oui. Et aussi, ce qui m'intéresse et qui me motive davantage, c'est que, contrairement à ce que j'avais suivi auparavant, mm-hmm. c'est-à-dire, j'ai des enseignements qui m'édifient, mm-hmm. qui m'entraînent sur le chemin sur lequel je veux vraiment marcher. Mm-hmm. Parce que les autres enseignements, c'est la richesse. La richesse. Moi, ça parlons de cela. Oui. Je crois que c'est dans l'enseignement, dans un enseignement où, puisque ça touche vos deux cas, j'ai préféré prendre cet enseignement-là. Tu sais, je suivais des choses à distance et reste moins tranquille. Sur Skype, il y a des choses qui se passent, des gens qui font des choses dans le monde entier contre moi. Je regarde et je reste moins tranquille. Comme tu as dû suivre sur Bambaïba. Donc, ton cas, je vais prendre le cas, parce que je vais prendre ce cas, c'est parce que ça vous touche vous deux. Et toi, principalement, c'est dans l'enseignement, le chrétien peut-il être possédé? J'ai parlé de cela, de cet aspect-ci de toi et de ta famille. Je disais, il y a quelqu'un qui avait d'abord écouté le péché original et ça l'a choqué. Il veut qu'on parle à partir de là. Ah. Mm-hmm. Ok, oui. Tu sais que tu m'avais d'abord contacté un temps, oui. un moment donné, oui. et puis tu as disparu de la circulation. Je savais exactement ce qui s'était fait disparaître. Tu ne digérais pas le péché original, l'enseignement sur les deux postérités. Oui. Tu avais fui. Oui. Pourquoi tu avais fui et pourquoi tu es rentré? Je vais te comprendre ces deux-là particulièrement. Pourquoi j'ai fui? le feu frère Joël, mm-hmm. oui. C'est même lui qui m'a baptisé, oui. qui a corrigé mon baptême, mm-hmm. si je peux m'exprimer. Oui, oui, ça, oui, oui. Donc, quand il est venu, parce qu'il venait au bureau, mm-hmm. il me parlait, c'est oui. lui qui m'a parlé du péché originel. C'est vrai que j'avais d'abord suivi ça sur Internet, mm-hmm. mais j'ai dit que non. Donc, quand j'ai vu, j'ai zappé directement, n'ai pas voulu déjà, même écouter. Déjà, est-ce que c'est la bonne attitude, ça? Je sais que c'est pas la bonne attitude. Ne voulez dire qu'avec le recul, non? Oui. Est-ce que voir quelque chose, écouter un histoire et puis zapper, est-ce que c'est la bonne attitude? Non, c'est pas la bonne attitude. Mm-hmm. Encore que ça m'a rattrapé par la suite. Oui. Parce qu'il est venu mm-hmm. lui-même. Mm-hmm. Il est venu, on a pris un moment. Mm-hmm. Il m'a expliqué ça oui. correctement. Oui. Correctement et proprement mm-hmm. à travers la Bible. Mm-hmm. Parce que moi, je suis quelqu'un, je dis, quand vous parlez des choses de Dieu, mm-hmm. moi, ma foi, c'est basé sur la Bible. Amen. Si quelqu'un veut parler quelque chose qu'il ne peut pas me montrer dans la vie, je ne vais pas l'écouter. Mmh. Ça, c'est un peu comme ça que j'ai toujours marché. Mmh. Donc, il a ouvert la Bible. Parti de l'Ancien Testament, de Genèse. Oui, avant qu'il vienne t'expliquer au bureau, tu avais suivi, c'est ce que j'ai fait sur le YouTube Bambaïba que tu as fait, que tu as vu, que ça t'a fait un genre, c'est ça? Je pense que oui. Mmh. Je ne me souviens plus mmh. exactement. Mmh. Oui. Donc, il m'a expliqué ça. J'ai accepté. Mmh. C'était clair, mmh. tel qu'il m'a expliqué. J'ai accepté. Maintenant, quand j'accepte, j'ai un collègue, mmh. Monsieur Cyril Camille, mmh. oui, c'est aussi un frère. Je suis allé le voir. Tu lui as présenté la CHO. Oui. Je lui dis que voilà. Il dit que non, ça c'est les affaires de Marion Branham. Branham. Branham, voilà. Mmh. C'est lui qui a enseigné ça à l'église, ça. Donc, vraiment, ne regarde pas. Mmh. Maintenant, quand il me dit ça, je reprends ma Bible. Est-ce que lui, il a déjà eu à suivre ça jusqu'à la fin? Non, il n'a même jamais suivi. Pourquoi les gens font comme ça selon vous? Je ne sais pas. Non, c'est difficile. Mm-hmm. Moi, personnellement, mm-hmm. c'est difficile. Tu vois. Mm-hmm. C'est quand le frère Julien est venu m'expliquer pas à pas, que j'ai accepté. Mm-hmm. Et même accepté là. Ça n'était pas facile de digérer. Oui. C'était pas facile de digérer. Maintenant, quand je ne peux pas voir dans M. Cyril, je lui dis voilà. Quand il m'a donc dit ça, je reprends ma vie. Déjà, tu as suivi l'enseignement que tu en as parlé, le chrétien peut-être possédé, tu as là, suivi ça? Pas... Totalement? Non, pas de façon concentrée. Mm-hmm. Mais quand j'ai fait état de cette personne à l'intérieur, tu savais que c'est de toi que je parlais? Je soupçonnais. Oui. Je soupçonnais. Mm-hmm. Non. Que le type, s'il en est parlé comme si c'était... Oui, que certainement, ceci-là, c'est... C'est moi. Oui. Donc, maintenant, monsieur, quand il m'a parlé, mm-hmm. je reprends ma Bible mm-hmm. pour aller un peu. Et j'avais fait une erreur quand même. Oui. C'est-à-dire que quand le frère Joël m'expliquait, je disais. Tu n'as pas le verset. Tu vois. Maintenant, quand je reprends ma Bible, j'ai lu, je recommence à Genèse. Mm-hmm. Et moi-même, je vais profiter même pour lire entièrement la Bible. Oui. Oui. Là, je vais me permettre de parcourir cet ensemble de choses et ça mm-hmm. va revenir. Mm-hmm. je lis, j'arrive à Genèse chapitre 4. 4, versets 1 et 2. Adam connut sa femme, elle est conçue, elle enfanta. Tu dis que mais voilà, parce que c'est clair ici. Oui, là c'est clair. Il n'y a pas de. Et ici pour moi c'est clair, c'est bon. Oui. Il a fait une seule partie là. Et avec ce que M. Sérieux m'avait dit, mm-hmm. Okay, c'est bon. Mm-hmm. Que là il raconte les bobas. Oui. Oui. Voilà. Donc c'est là où je m'étais arrêté. Oui. Et quand je m'étais arrêté comme ça, le frère Joël, malheureusement, on ne se voyait plus beaucoup, mm-hmm. parce que lui aussi était très occupé. Mm-hmm. Oui, très très occupé. Je suis resté, parce qu'en réalité, je suis seul, j'ai fait les églises. Mm-hmm. C'est un autre aspect là-bas, parce que tu étais dans le ministère de Rawafo, quelque chose. Oui. Donc, c'est une autre histoire là-bas, mais il faut qu'on y touche particulièrement ceci, parce que ça va amener jusqu'à ta petite soeur qui est que voici. Et puis, on va toucher ton cas particulier. Donc, pour le cas de l'église, tu vas raconter ça vers la fin. Donc, voilà. Et quand tu as vu Genèse 4, là, tu étais, toi, tranquille. Genèse 4, 1, 2. Adam connut sa femme Ève, elle enfanta, elle conçut et enfanta Caïn, elle enfanta encore Abel, et elle dit ainsi de suite. Non, je n'ai pas pris elle enfanta encore Caïn, Abel. Parce que ce que je recherchais, c'était quoi? Quand il m'avait expliqué, il m'avait fait comprendre que Caïn n'était pas un enfant de Dieu, n'était pas le fils d'Adam. Mais quand tu as vu ça, tu as dit que voici ça qui est clair ici. Voici ça qui est clair. Oui. Adam connu sa femme et l'enfant Caïn. Tu t'es arrêté là. Là. Donc je me suis arrêté là. Pour moi c'était. Très mais tu vois que Dieu voit les choses, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tu vois que Dieu voit les choses même dans les Écritures. Tu vois c'est là mais c'est voilé, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Continue alors. Oui. Donc je n'ai plus creusé. Mm-hmm. Moi c'était bon. Mm-hmm. Et aussi en réalité. C'est que pour moi, ce n'était pas une priorité. Mmh. Je cherchais autre chose. Mmh. Pas ça. Je cherchais comment connaître le Seigneur. Amen. Pour marcher vraiment comme il dit. Mmh. Parce qu'il y a quelque chose, malgré le fait que cet enseignement visait, on peut être saint sur la terre. Mmh. Je disais quand même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mmh. oui, celui qui marche par l'esprit. Mmh. Donc si on marche par l'esprit, on ne va pas pécher. Voilà. Parce que l'esprit va nous conduire toujours dans. Amen. Donc c'est ça en réalité que moi je recherchais. Mm-hmm. Je lui fais que l'autre a été un sujet secondaire vraiment pour moi. Mm-hmm. Elle dit je vais profiter. Et il y a un autre jeune qui est arrivé chez nous en entreprise. Mm-hmm. Dans les discussions, il est encore revenu là-dessus. Lui disait quoi au juste? Il disait que le péché originel. Normalement. Oui, c'était les rapports sexuels. Tu as encore dit que j'ai fui ça depuis des années. Oui, lui dit que ça. Mm-hmm. Pardon. Quelqu'un est venu ici mm-hmm. et m'a expliqué à travers la Bible, mm-hmm. du début à la fin, mm-hmm. dans l'Ancien Testament, sorti clairement. Mm-hmm. Et après, j'ai lu ce verset. Tel que j'explique, c'est ce que je lui ai dit. Oui. Oui, parce que quand c'est les affaires de vie, je préfère exposer ce que moi j'ai dans ma tête. Mm-hmm. Donc, je lui ai dit que vraiment, l'autre là, mm-hmm. j'ai lu. Est-ce que toi, tu as lu Genèse 4? Il me dit que oui, après il me dit que mais comment toi tu peux lire juste un verset, juste t'arrête un là. Là. Mm-hmm. Que la parole de Dieu dit qu'il faut le témoigner de deux personnes bien vraies. Mm-hmm. Il me dit que lui-même il ne connaît pas trop, mm-hmm. parce qu'il a aussi suivi dans les enseignements, mm-hmm. et il croit ça. Mm-hmm. Et il croit que sur la terre il y a... Mais lui là, il est des celui dont tu parles, il est branamiste aussi. Comment on dit que c'est un enseignement branamiste là? Non, il n'est pas de, cette église là. En fait, c'est quelqu'un aussi qui m'a dit, après qui m'a dit que lui aussi, les églises, il n'y va pas. Oui. Il n'est même pas baptisé, rien, mais il sait que Dieu existe et que Dieu appelle chacun à son moment. Oui. Donc, il fait ses choses naturellement, comme tout jeune. Oui. Oui. Mais qu'à un moment donné, quand l'école le tapait en première, il m'a dit qu'il a repris la première. Tout à fait, oui. D'accord. Oui. Donc, lui, il dit quand l'école le tapait, donc, il a préféré... À un moment, il ne peut pas aller à l'école. Parce qu'il était très délinquant. Mm-hmm. J'étais d'un quartier difficile de Yandé Kounou. Mm-hmm. Et là-bas, c'était un peu dur. Chaud. Mm-hmm. Voilà. Donc, quand l'école le tapait, donc, à un moment, il a refusé de partir à l'école. Donc, il est parti s'inscrire. Mm-hmm. Il se levait le matin, il se lavait bien. Au lieu d'aller à l'école, il prenait sa Bible et il lisait. Mm-hmm. Oui. Il a aussi fait un séjour chez l'un des membres de sa famille. Mm-hmm. Où cela était vraiment croyant. Mm-hmm. On a un peu. Communiquer cette croyance là. Mais lui, il savait juste ça. Hein? Mm-hmm. Lui, que et quand il est venu comme ça, quelle était ta réaction par la suite donc? Oui. Religion islam. Ma réaction par la suite, je me suis rappelé de tout ce qui était passé avant. Mm-hmm. Mais comme je t'ai dit, je suis resté sur mon objectif. Non, pas sur mon verset. Ah, sur le verset que ah, ceci c'est secondaire. Il faut que j'accomplisse l'œuvre de la sanctification dans ma vie. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est ça qui a qui, tu peux dire, ma priorité. Oui. Non, c'est ça. Lui, je veux vraiment ça. Je vais regarder plus tard. Ce qui m'indique beaucoup de choses qui m'intéressent. Et après cette position, donc, qu'est-ce qu'est-ce qui est arrivé donc à l'issue de cette position-là? À l'issue de cette position-là, je crois que j'étais contacté sur Sky. Oui. Tu m'as demandé d'aller sur Bamba Iba. Oui. Et que je vais trouver ça là-bas. Oui. Donc j'ai. Ah, ok, par rapport à la marche de la sanctification. Non, non, pas par rapport, par rapport au péché originel. Oui. Et tu m'as demandé d'aller. Alors, tu m'as posé la question là-dessus aussi. Oui. Oui, tu m'as dit que c'est sur Bamba Iba. Mmh. Oui. Ok, ok, ok. Et tu es donc allé rechercher? Oui, j'ai recherché ça. Raconte-le donc. Oui, j'ai pris donc ça. J'ai écouté, c'était avec le frère. Le frère Martial Bongo. Martial Bongo, voilà. Mmh. Donc j'ai écouté. Tu vérifiais dans la Bible, frère? Oui. Oui. Je regardais et je voyais que. Et dans Genèse 4, 1, donc finalement, non, tu as parlé de ça. Vraiment. Et quand tu as lu? Tu as parlé de ça. En fait, jusqu'à maintenant, quand je suis là, je vais profiter aussi pour que tu m'expliques clairement. Amen. Parce que jusqu'à la fin, il manque, comment dire, une petite pièce du puzzle. Oui. Mais pour que, c'est-à-dire, quand est-ce que le péché sexuel s'est passé? Amen. Oui. En fait, ça, c'est à l'intérieur, j'ai dit cela. Il y a un moment où il parlait, dit ah, et c'est entré. J'ai dit ça comme ça. Voilà. Oui. Donc, c'est là où je, pour l'autre là, que je suis resté jusqu'à maintenant. Finalement, maintenant, quand j'ai redit encore en réalisant Genèse 4, c'était clair, n'est-ce pas? Non, c'était clair. C'était clair. Pour moi, c'était clair. Maintenant, si je te pose une question, toujours avec un verset biblique. Tu as dit dans tes propos ici que le frère Joël était venu corriger ton baptême. Pourquoi il a corrigé ton baptême? Pourquoi il corrige mon baptême? C'est que quand je t'ai chez Raoua, je cherchais à ce moment-là, quelque chose me pesait sur le cœur, le baptême. On ne t'a pas baptisé là-bas? Non. Pourquoi? Tu n'as pas vu un pasteur pour qu'on puisse te baptiser? J'ai vu le pasteur Eric Alindo. Oui, celui qui coordonnait même. Parce que quand j'étais là-bas, c'était encore une cellule. C'était encore en train de se former. C'était pas encore implanté au Cameroun. C'était encore une cellule. Je lui ai dit ce qui m'a mené là-bas. Je veux être baptisé. Je veux rien entendre pour eux parce que c'est le baptême que je veux. Oui, là, il me disait que non, si je veux être baptisé, c'est pas un problème. On peut aller le faire tout de suite. Oui, allons-y. Donc, après, il me complique à quoi il dit que non. Il faudrait que le révérend Raoul Wafo vienne de Côte d'Ivoire. Oui. Et comme ça, comme c'était une jeune cellule qui se formait, je devais être le premier chrétien du temple de la foi. C'est lui qui devait. Donc, ça devait un peu être comme si c'était l'honneur, je sais pas, quelque chose de grandiose. Un truc solennel. Voilà, solennel là. Oh, moi, tu avais soif dans ton cœur. Oui, véritablement. Je suis donc allé voir notre pasteur. Toujours là-bas. Non, toujours là-bas. Notre pasteur. C'est que avant, quand même, quand j'avais parlé de ma foi avec Monsieur Cyril, quand je suis arrivé en entreprise, il m'avait conseillé d'aller faire l'école publique. Que là-bas, on devait beaucoup m'édifier. Parce que lui, il avait dit, j'ai des difficultés. Chaque fois que je vais dans une église, je me sens très mal à l'aise. Pourquoi tu te sentais mal à l'aise dans cette dénomination-là? Tu sais, quand tu veux quelque chose, en fait, je ne m'explique pas vraiment. Je ne me sentais pas à l'aise. Et aussi, je me disais, quand la parole venait là, je disais, c'est pas ce que je veux. Donc ça ne remplissait pas, ça ne comblait pas le vide qui était dans ton cœur. Oui. Chaque fois que je ressortais, là, je disais, c'est pas ce que je veux. Parce que quand on me prêche par rapport à. En fait, avec un peu cette même façon qu'on retrouve même dans les tontines là, moi ça ne m'intéresse pas. Quand on me cette parle. Même façon, j'aime cette façon là, cette même façon qu'on retrouve dans les tontines. Oui. Donc on flatte pour que tu contribues. Donc ça ne m'intéressait pas. Véritablement, ça ne m'intéressait pas. Et je suis allé dans une autre église, on avait mis des trucs publicitaires là. Oui, la nuit, c'est la nuit de traversée, quelque chose comme ça. Donc, c'était à la veille de la nouvelle année. Oui. Tu vois, je vois, ça peut être intéressant. Surtout quand c'est une nouvelle année, comme moi, je veux vraiment changer radicalement. Mais on avait écrit quoi sur la bande? C'était la traversée. La traversée pour dans tes prospérités ou une nouvelle bonheur ou quoi que ce soit. Non, pour basculer, tu vois, c'était en fin d'année. C'était un changement. Voilà. L'année des changements. Voilà, quelque chose dans ce sens-là. Entrée. Ok. Bonjour. Bonjour. pour le truc, il peut. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Ou bien tu prends place. Je n'ai même pas fermé mes téléphones là, il fallait que j'aille. Non, non, pas, si ça sonne, tu ne te concentres pas là-dessus. Oui, pourquoi ne quitte pas ceci. D'accord. Mm-hmm. Donc tu as vu que c'est l'année de la traversée pour que tout bascule. Voilà, que tout bascule. Parce que moi, c'est ça, toujours été le désir de mon cœur. C'est-à-dire que être conforme à la parole de Dieu. Parce que j'ai vécu quand même un moment extraordinaire quand j'étais en 2004. Extraordinaire. C'est-à-dire, je priais beaucoup. Je lisais beaucoup la Bible. Et mes chemins étaient ouverts. Ouverts. Je pouvais rester comme ça, j'étais là avec mes voix, la personne vient. Mais quand, avant de faire quelque chose, je saisis vers Dieu. Et subitement, brusquement, pam, ça a disparu. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais causer avec toi en privé. D'accord, pour que ces choses-ci reviennent et qu'on regarde ce qui a causé la chute. Et avant, tu sais ce qui a causé la chute. On va briser cela, d'accord. Non, mais revenons sur le cas de basculement là. Oui. Donc, je vais à l'église. J'arrive là-bas. Déjà, quand c'est toujours à Yaoundé. Oui, à Yaoundé, là, c'est fort. Hein? C'est toujours à Yaoundé. C'était ensemble là-bas. Il y a un hôtel derrière ce que tu as, il y a l'église. Il y a un peu comme ceci. Je suis parti là-bas. S'ils avaient été sur le placard là, oui, je suis arrivé là-bas. Je vois. Et il y a aussi ça que j'avais lu et j'ai retenu dans la Bible. Oui. C'est resté jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on fait déjà une place d'honneur, on dit les gens. Ah, dans Jean chapitre 2. Oui. En fait, je ne me rappelle pas, mais c'est que c'est dans la Bible. On dit qu'on ne doit pas faire, que Dieu ne fait pas. Distinction. Voilà. Que quand, que, supposons que quelqu'un en arrose l'assemblée, on dit qu'à celui qui achète la place d'honneur et l'autre, à ce moment-là. Voilà. Donc, quand j'arrive, quand je vois déjà ça, qu'il y a une belle place là avec les grands fauteuils bien rembourrés, oui, placés derrière d'autres fauteuils, peut-être pas un peu plus, en diminuant un peu comme on fait quand le président de la République est là et situé. Voilà, voilà. Et que de l'autre côté, il y avait plutôt les bancs et les chaises bien distingués là. Mais j'ai dit, ok, ça, je passe dessus, je ne m'attarde pas trop. Que tu veux, tu renverses ça, tu traverses. Oui, c'est ce qui va sortir là qui est important. Si j'ai réussi vraiment à traverser la basculer, bon. À changer radicalement. Dans ta pensée, ok, tu as dit, même si Jacques chapitre 2 dit que Dieu n'aime pas l'ascension des personnes, si on ne fait ascension des personnes, si Dieu avait fait basculer, c'est quand même bon. Oui. Que peut-être c'est un problème, parce qu'on m'a dit qu'il n'y a pas d'église parfaite. En avançant, là, il y a des choses. Ça, c'est aussi ce que M. Cyril passait beaucoup de temps à me dire. Parce qu'il me dit, non. Il faut passer sur les petites choses. Ne regarde pas trop l'aspect du regard au cœur. Mais il faut regarder beaucoup plus le cœur. Et quand quelqu'un te parle, il faut beaucoup plus écouter si ce qu'il dit est vrai. Le reste, là, vraiment, ne t'attarde pas dessus parce qu'il y a toujours ces petits manquements. Oui. Non, il m'encourageait toujours dans ce sens-là. Donc, j'arrive. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je pars m'asseoir. Première chose, passer d'abord venu après. Je vois les gens vont vers lui. En fait, on accueille bien, bien là. On le dirige un peu, je ne sais pas, comme une. Comme un cortège. Je vois là. Un protocole là, d'accompagnement. Il entre maintenant, il part, il s'assoit. Et pendant, j'ai remarqué ce qui m'énervait toujours dans les églises. C'est-à-dire que, c'est comme il y a une préparation là, qui ne peut pas te concentrer. C'est-à-dire, on chauffe d'abord la salle avec les louanges, les musiques, tout ce avec la batterie. Tu es obligé de danser et chanter. Voilà, avec la batterie surtout. Entre temps, comment le pasteur, il est assis? Non, il est arrivé, il est parti maintenant, il s'assoit, il s'est d'abord. Ok, on a fait cette chose là d'abord avant qu'il arrive. Oui, donc on chauffait la salle là, on chauffait, on chauffait, on chauffait. Avec les musiques, il est. Et partout tu es passé, ça semble être la règle. Oui, oui. Quand on dit louange là, vraiment, ça cogne dans la tête. Oui. Donc, après ça, il est arrivé, il est parti, il s'est mis à genoux, il a prié, il s'est rassis. Et je me suis donc rendu compte que les deux grands fauteuils qu'on avait placés, c'était son fauteuil et celui de son épouse. Oui. Donc, ils sont venus au même moment. Oui. Ok. Donc, ils se sont assis là. Et maintenant, pendant qu'on faisait le show, ils appelaient sur le téléphone. Oui. Ils appellent. Donc, pendant que les autres dansent, lui ne dansait pas. Il vous laissait vous faire le show. Il est venu nous trouver, on était déjà dans l'ambiance. Dans l'ambiance, ça vous emportait. Voilà. Et moi, je suis resté toujours très calme là pour regarder parce que j'ai observé. Pour ne pas dire des choses après que je n'ai pas vu. Donc, quand vous êtes, j'étais un peu frustré parce que je ne dansais pas. Généralement, je ne danse pas. Personne n'est venu t'encourager que mon frère danse la nuit de la traversée. On l'a fait. Je suis resté sur ma position, assis là. J'étais dépassé véritablement. Ils ont fait, après on dit, ils ont de nouveaux programmes. Après, maintenant, on a commencé à faire, à forcer les gens un peu pour venir faire des témoignages. Mm-hmm. Donc, après le show, on va avoir une. En tout cas, si tu ne témoignes pas l'année, il faut te donner pour cette année, c'est pour que Dieu ouvre encore du grand témoignage. Voilà, il faut faire le show maintenant. Après le show, on fait et après, cette première vague de témoignages. Mm-hmm. Et après, quand on arrête le show, on dit ok, maintenant c'est le moment du témoignage. Mm-hmm. Qui vient témoigner, personne ne se lève. Mm-hmm. On dit que non, vous ne pouvez pas dire que Dieu n'a rien fait dans vos vies. Durant toute cette année. Non, durant cette semaine. Mm-hmm. Durant cette semaine, parce qu'il parlait de semaine, durant cette semaine, venez témoigner. Donc, on encourageait les gens à venir témoigner. Mm-hmm. Moi, ça m'embêtait parce que je sais que quand Dieu fait quelque chose c'est dans réel. La vie de quelqu'un, c'est réel. Même si on te ferme la bouche, mm-hmm. tu vas dire. Mm-hmm. Parce que je vois, il y a des exemples dans la Bible. Mm-hmm. Et moi-même, quand je parle avec les gens, mm-hmm. je dis toujours, je suis un garçon que Dieu a beaucoup béni. Mm-hmm. Beaucoup. Et quand Dieu fait quelque chose dans ma vie, il sait que c'est le Seigneur qui a fait ceci. Je le dis, ça sort de façon naturelle, mmh, sans qu'on me force. Mmh. Et même dans la vie, le Seigneur disait à certaines personnes que... Va, il ne dit pas ici, il dit là-bas. Oui, là-bas, il dit. Mmh. Et même à certaines personnes, il disait que ne dis pas cela. Il raconte seulement. Voilà. Mmh. Donc moi, ça me dérangeait. Mmh. Le reste, après, bon, il y a quelques personnes qu'on a forcées pour venir pour cette première heure de témoigner. Ils ont témoigné. Il y avait une femme particulièrement qui m'a marqué. J'oublie les choses hein, mm-hmm. qui ne m'intéressent pas. Ils ont fait leur témoignage, ils sont partis. Après, on a encore recommencé avec le show. Après cette deuxième vague de show. Deuxième vague de show. Après cette deuxième vague de show, il était question maintenant de faire encore d'autres témoignages. Mm-hmm. Et cette femme s'est encore levée, elle est encore venue faire. Je suis resté comme ça. Vraiment, mon cœur n'a pas accepté. Ils ont mm-hmm. fait des choses que vraiment. Mm-hmm. Mais cette femme-là sortait d'où? Non, elle était toujours à l'église. Mm-hmm. Elle était toujours à l'église. On a fait après. Ah, minuit. On fait tout et tout pour que minuit arrive, pour que le pasteur me se lève et prend le relève. Oui, minuit arrivait maintenant, quand minuit s'approchait, le pasteur on s'est levé, il est venu. On fait comme ça avec la montre dans la salle. Bien sûr, non. Mm-hmm. Il est venu, il parle. Après, il dit, il faut qu'on se lève maintenant parce que j'ai oublié. Mm-hmm. Quand les gens ne m'intéressent pas, j'oublie vraiment. Mm-hmm. Je fais l'effort d'oublier. Mm-hmm. Puis, il dit qu'on se lève maintenant parce que c'est à ce moment, c'est quoi qui va descendre du ciel? C'est quoi? Il dit écarter les pieds. Donc, on a fini de danser. Là, il dit écarter les pieds parce que c'est maintenant. Quand minuit arrive, mm-hmm. le basculement là, mm-hmm. les choses devaient descendre pour qu'on reçoive. Ouais. Maman, tu vois que tu n'es pas seule dans ces cas, dans le cas des gens de la dénomination, non? Si ma maman si se lève, elle peut ouvrir sa maman. Dis-vous, présent, maman, on est en train de. Tonton Junior, moi, je t'ai toujours dit que j'ai eu la grâce de ne pas me retrouver dans des milieux comme ça. Dans les endroits. Mm-hmm. Moi, j'étais à la vraie église. J'ai cru très longtemps à l'Assemblée chrétienne, après la division. Quand l'Assemblée chrétienne était, il y avait un peu de pur. Mm-hmm. Des trucs de. Tout ce flot qui fait le bruit là. Je ne connais pas ça. Ah, maman. Quand tu entends des choses comme ça, ça te fait comment? Tu es dans l'entraînement, enfin, dans les enseignements, non? Elle aussi, c'est maman, elle est là-dedans. Donc, ce sont les gens de Yaoundé, là. Eh, gloire à Dieu. Oui, ça tout à l'heure, gloire à Dieu, tout à l'heure. Oui. Non. Donc, le pasteur dit qu'il écartait les pieds. Oui. Vous écartez les pieds pour recevoir que c'est maintenant que... Oui, en fait, ce qu'on est venu chercher là, non, pour le basculement, c'est maintenant que ça s'est arrivé. Et toi, tu voulais basculer dans le service de Dieu, dans plaire à Dieu. Oui. C'est-à-dire que, parce que... Quand nous marchons, pour moi, quand je marche, je sais que je marche comme ça, c'est pas bon. Je veux marcher d'une façon, mais je n'arrive pas. Donc, je cherche à marcher de cette façon, comme Dieu veut. Mais là-bas, vraiment, en fait, tu cherchais quelque chose, tu cherchais tout simplement un déclic qui va te pousser à marcher comme voilà, Dieu veut. Voilà, comme Dieu veut. Ouais. Parce que je savais que voici comment je dois marcher, mais de façon pratique, quotidiennement, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Tu cherches de l'aide. Oui. On vient de donner une nuit de basculement de 2007. Et regarde, voilà, ça me revient maintenant. Avant de dire qu'on écarte les pieds, il dit ceci. Quand on chante, et j'ai remarqué quelque chose, la batterie n'était pas. C'était une musique dans le monde. C'est pas pour caser. Oui. Voilà. C'est une musique du monde qu'on a adaptée. La batterie, c'est une musique du monde. Oui. Et les paroles, c'est voilà. pas musique. Ce qui fait que les gens qui sont là savent de quoi est question de la musique. Ils sont habitués à cette musique-là. Voilà. Et après, il dit quoi? Il dit que vous venez à l'église, on chante, vous refusez de danser. Alors que dans le monde, vous allez danser là-bas. Parce qu'il y avait certaines personnes aussi comme moi qui sont restées assis sur le ciel, un peu comme si on avait versé au glacé sur eux. Il dit, je passe la nuit dehors, je vous vois dans les boîtes de nuit, vous dansez, vous êtes dégagé, mais quand vous arrivez ici, vous refusez de danser. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ne veulent pas danser sortent. C'est ce qu'elle a dit, le pasteur. Oui. Ceux qui ne veulent pas participer à cette ambiance, elle dit danser, chanter, ils sortent. Il s'adore. Moi, il a dit, papa, il était bon. Donc, il a donné celui qui... Donc, c'était le basculement comme ça, t'as pas de basculement. Non, ma part était bon comme ça. C'est pour ça qu'il dit que c'était pas de basculement, non? Oui, donc ça dit que ce que je cherchais là, je ne peux pas trouver ici. Donc elle a dit que si on ne veut pas participer à cette fête là, on sort. J'ai primé depuis ce soir. Donc c'était la nuit du 31 au 1er, le 15, 31 janvier, vous avez 31 décembre 2015 au 1er janvier. Nuit de traversée. Non, c'est pas cette année. Voilà, 2015, pour entrer dans 2015. Oui, ça devait être pour entrer en 2015. Si et combien de personnes sont sorties? Je ne sais pas. Tu es sorti, vous avez déjà été regardé? Oui, c'est moi. Frère. Attends, donc ça veut dire qu'il a d'abord fait comme le stop, le show s'arrête. Apparemment, il a pris le micro pour faire qu'on arrête. Oui. Pour qu'on ait, pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Oui. Non, on a arrêté la musique quand il parlait. Parce que, comme il était dit, il y a des gens aussi qui restaient. Donc peut-être qu'il peut était aussi sidéré comme toi. Oui, oui. Donc quand on a arrêté ça, pour qu'il passe le message. Et quand il a donc passé le message, on a recommencé donc avec... Le show. Oui. Et ceux dont tu as constaté, donc, qui étaient comme toi, sidérés, est-ce qu'ils sont sortis aussi? Je ne sais pas. Tu es seulement sorti, toi, tranquillement. Bon, vu la proportion de ceux qui étaient dans l'ambiance et ceux qui n'y étaient pas, tu penses que... Donc, vu la proportion de ceux qui dansent, je suis en train de prendre ça parce que c'est... Je vais vous suivre quelque chose de la Bible. Vu la proportion de ceux qui étaient dans la salle ce soir-là, ça, c'est le cas typique parce que cette même nuit-là, les traversées, c'est partout dans le monde entier. Vu la proportion de ceux qui étaient sidérés en regardant que quelque chose ne va pas, par rapport à ceux qui dansaient, qui étaient à tue-tête à l'intérieur de l'ambiance, quelle est la proportion? Très faible, ne devrions pas atteindre 5. Et les autres étaient à l'intérieur. Et qu'est-ce que tu penses que le regard de ceux qui dansent par rapport à vous, donc, tu penses qu'ils pensent quoi? Je suis parti dans une assemblée où c'est arrivé comme ça. Et on a dit que ceux qui ne participaient pas à la même ambiance. Donc tu as encore vécu la même chose dans une autre encore. Dans une autre assemblée. Que c'était comme si c'était des espions. Qu'on les avait espionnés. Voilà. Que tu danses parce que tu es espion. Voilà. Donc quand c'est pourquoi. Toujours à Yaoundé. Oui, c'est toujours à Yaoundé. Non, lorsqu'il a dit comme ça, j'ai préféré seulement partir sans plus regarder ce qu'il y avait derrière. C'est toujours le pasteur qui a dit comme ça. Que si tu sais qu'il ne danse pas ici. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas donc avec les pasteurs alors? Non, je sais pas. L'autre là, il parlait même de quoi? Il parlait. C'était une mission de plein évangile à Emombo. Il y a une mission de plein évangile là-bas. Lui, il parlait beaucoup plus des affaires de tontine. Il disait dans les tontines, on participe, il y a des fonds. Et quand quelqu'un a malheur, on peut pas participer. Il ne comprend pas qu'à l'église, il n'est pas. Il n'y a pas la tontine. Voilà, non, il parlait un peu dans. Bon, dans ce temps, un pasteur, je vais te poser une question qui a deux volets. Tu as dit que le monsieur dont tu appelles Cyril t'a encouragé d'aller à l'école biblique pour t'en sortir. Et ici, tu vois donc, les pasteurs qui ne sont pas sortis de cette école biblique, qui ont fait quelque chose qui n'est pas biblique. Tu proposes donc que. Qu'est-ce qui t'a dérangé toi en voyant que le pasteur qui est censé aller à l'école biblique et qui, c'est pour certains d'entre eux, enseigne aussi dans les écoles bibliques et que tu vois toute cette défaillance-là, ça te dérange dans le cœur. Tu penses donc que quel est le problème? Non, le problème, je ne sais pas. Déjà que même à l'école biblique, je suis parti. Ah, mais on va revenir dans le volet. Réponds-moi d'abord et puis tu pars dans le volet de l'école biblique parce qu'ils t'attendaient au bout là. Non. Tu penses donc que, n'est-ce pas, le pasteur, là, parce que je suis en train de prendre une proportion. Voici quelqu'un qui enseigne la Bible. Voici toi qui cherches Dieu et qui, pour un peu de temps, a lu la Bible. Mais tu peux bien voir que ce qu'il a de faire là n'est pas conforme à la Bible. Tu penses que quelle est l'intention de celui-ci? Ou bien qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui le guide? En réalité, à un moment donné, je me suis demandé si c'était la même Bible qu'on lisait. Parce que je dis, je ne connais pas la Bible. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je ne connais pas la Bible. Mais quand quelqu'un dit qu'il est pasteur, ça veut dire qu'il a quand même une certaine qualification, une certaine connaissance qu'il doit transmettre aux gens pour les guider. Donc, s'il se comporte comme ça, je me suis toujours demandé si c'était la même Bible ou bien si même il lisait la Bible. Donc, ça, c'est toujours le questionnement que j'ai toujours eu. Donc, et la tontine de Mombo, de l'église, des pleins évangiles de Mombo. Et quand le pasteur dit comme ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Non, généralement, n'est-ce pas, quand j'arrive et qu'il y a des choses qui arrivent, quand il s'agit des choses qu'on parle, quand ça ne va pas dans ce que je cherchais, je cherche toujours à la première occasion la porte de sortie. Donc, disons, généralement, tu t'assois là où c'est pas loin, la porte n'est pas loin. Eh, mon cher Jules, que Dieu te bénisse, d'accord. Eh bien, parlons du volet de l'école publique maintenant. Oui, pour l'école publique, quand mon collègue m'a dit ça, j'ai un peu pris les rangs. Attends, ça c'est après tous ces déboires, c'est les marches pour traverser, c'est après ça que tu as fait l'école publique, c'est pendant ça ou bien c'est avant? Bon, il y a avant, oui, il y a pendant, il y a même après. Donc tout ça est mélangé en fait. Tout ça est mélangé. Parce que toujours dans mon cœur, n'est-ce pas? Toujours dans mon cœur, toujours. Il y a toujours eu ce désir-là de marcher de façon simple. Oui. Toujours. C'est ça qui m'a un peu amené. Alors quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est frère ou bien qu'il peut me parler de la vie, ça m'intéresse. Oui, tu crois qu'il va peut-être amener un apport pour que tu aies dans ce sens-là? Oui, oui. Afin que nous pouvons échanger. Parce que au jour où je. Là où je suis placé, là, je peux pas dire, tu peux pas me voir comme ça, dire que voilà mon intérêt. Je n'en ai pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas partager. Donc je recherchais même quelqu'un qui pouvait être un ami véritable. C'est-à-dire que nous avons au moins cette vérité-là en partage. Tu n'en trouvais pas? Oui. Donc quand j'allais même à l'église, c'était dans ce sens-là, trouver des frères, trouver des amis, trouver des personnes pour ne pas être toujours un peu seul. Voilà. Donc quand je discute donc avec lui, je pars d'abord à l'école, je me renseigne, je m'en vais jusqu'à voir l'école même, je prends les renseignements, on dit que non, on va relancer, parce que la première phase était achevée, il devait relancer, c'était pendant les vacances. Donc, après, je suis reparti là-bas, c'était en 2014, je pense. Non, en 2013, c'était avant le baptême, c'était en 2013. Je suis parti même jusqu'à m'inscrire. Oui, mais je n'ai jamais fait un cours. Parce que j'arrive, je m'inscris, il y a une maman, on dit, ils ont dit quoi? C'était. Je sais pas, je me rappelle plus exactement. En fait, je me rappelle plus, mais il y a quand même des choses qui sont passées qui. Déjà que. Venir m'asseoir pour qu'une femme m'enseigne, j'ai toujours refusé ça. Attends, donc à l'école publique là, d'abord allons-nous l'inscription, tu t'es inscrit, on t'inscrit, on paye. Oui, on paye. Il y a les frais d'inscription. On paye. Avant la pension. Oui. Et les documents. Il y a les documents qu'il faut acheter. C'est une école. C'est l'école. Oui. Donc, tu t'inscris normalement comme si tu t'inscrivais à l'université ou bien dans un collège. Et il y a les documents qui vont accompagner, ainsi de suite. Donc, tu viens, tu t'inscris, tu payes. Tu verses de l'argent. C'est 3500. Description, frais d'inscription. Et la pension, c'est combien? Je ne me souviens plus. Tu avais quand même la pension? Non, non. C'est l'inscription. Je suis juste resté au niveau de l'inscription. Quand tu t'inscris, ça te permet de faire d'avoir déjà les cours. Oui, mais tu viens comme visiteur. Tant que tu as les badges. Tant que tu as encore la pension. Oui, tant que tu n'as pas commencé avec la pension. Oui. Oui, tu viens comme visiteur. Oui. Mais parce que tu n'es pas encore vraiment étudiant. Oui. Donc, je me suis inscrit. Et dans la suite, je devais aller faire un travail à Lille. Oui. Donc, je suis parti en mission. J'ai fait une semaine. Et quand je rentrais, mon cœur n'y était plus. Donc, je ne suis plus jamais retourné là-bas. Tu n'es pas allé voir le monsieur Cyril qui t'a conseillé là? Je lui ai dit, quand on discutait, je lui ai dit que non, je suis parti déjà. Mais au fond de moi, je ne suis pas convaincu. Donc, rien ne me paie. Il te pousse là-bas? Il me pousse là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a juste dit que je devais faire l'effort. J'ai dit que c'est très important l'école biblique. Parce que quand tu entres là-bas, tu ressors, il y a quand même des changements parce qu'on t'apprend, on t'enseigne beaucoup de choses. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que lui, il est passé par là. Il a fait l'école biblique. Oui. Voilà. Donc quand je suis rentré, comme mon cœur n'y était plus, on m'a relancé plusieurs fois pour me donner rien. Je dis que non, que je n'ai pas le temps. Donc, je ne suis plus. Pourquoi tu ne veux pas que une femme t'enseigne? Qui t'a appris ça? J'ai lu ça dans la Bible. Moi, où je lisais beaucoup de la Bible, là, il y a ces éléments comme ça qui sont restés dans toi. Oui. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui t'a enseigné ça? Non. Alors, je pose la question. Ceux dont là qui enseignent, qui laissent les femmes enseigner, les pasteurs là, qui sont les grands qu'on voit sur les affiches là, n'ont-ils pas lu ces passages? C'est la question pour moi-même. C'est pourquoi je t'ai dit, je ne sais pas si. Ils lisent la Bible, ou bien s'ils lisent une autre Bible que celle que nous avons. Moi, je ne sais pas. Et donc, le pasteur, le baptême premier, c'est donc un pasteur de cette école biblique-là. Comme je t'ai dit, mon cœur disait, il faut que tu te baptises. Oui. Oui. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Et je savais qu'on ne devait pas me verser l'eau sur la tête. Et ça, c'est depuis toujours. Parce que mon père, ma mère sont des églises évangéliques du Cameroun. Et à un moment, ils nous ont encouragés à aller là-bas. Et toujours dans cette Bible, j'avais lu le baptême. Et pour moi, le baptême, c'était qu'on doit plonger. Ça, c'est. C'est pas écrit convaincu dans la Bible qu'on doit plonger. Mais tu comprenais. Tu comprenais que c'était oui, pas plongeant. Oui. Donc, quand je suis même parti d'avant, on dit qu'il faut faire. Catéchèse. Catéchèse. Quand je lis la Bible, on dit que quand quelqu'un crut, on l'a baptisé. Donc, il n'y avait pas un processus. Comment je vais dire? Il ne devait pas passer par un certain. Un cheminement. Un cheminement. Que quand il croit, on le baptise. Donc, avec toute ma petite soeur, si on était plus jeune encore du tout au lycée, on a même voulu faire cette catéchèse. Moi, ça ne marchait pas. Depuis le lycée, depuis l'école, oui, c'était comme ça. Il y a des choses quand même que, de façon naturelle, je rejetais. Sans trop même savoir pourquoi. Comme le baptême, il savait que il devait être plongé dans l'eau. Ça, c'est depuis le lycée. Oui, il savait que toutes les choses. Même à la maison, je lui disais que ce qu'on verse l'eau sur la terre, ce n'est pas le baptême. Qu'est-ce qu'il te disait? Bon, que je suis un peu. En fait, que je complique les choses qui sont difficiles, qui sont simples. Qui sont simples. Que oui. Si on fait comme ça, où il y a quoi? Voilà. L'important, c'est le symbole de l'eau. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, maintenant, quand je pars voir ce pasteur, il savait que lui, il était pasteur. Et il pouvait me baptiser. J'arrive, malheureusement, il a fait l'accident. Il a une fracture. On devait l'opérer. Donc, il n'était pas valide. Mais je dis, ok, je ne peux pas aller à la rivière te baptiser. Pendant qu'on causait, donc, il me demandait. Il a essayé de contacter certains frères, mais ils étaient occupés. Donc, pendant qu'on causait, il y a une soeur qui est arrivée. La soeur arrive et dit, ah, enfin, voici même une personne qui peut te baptiser. Donc, dans ta vie spirituelle, tu n'as fait que rencontrer des choses bizarres et bizarres. Mon cœur me dit de refuser. Parce que ce qui était sur mon cœur, je refuse. Je sais pas ce qui s'est passé après. J'ai accepté. Peut-être que tu as accepté par complaisance ou quoi? Oui, bon, certainement. Parce que. Pour ne pas le frustrer bien pour. Voilà. Parce que tu étais gagné, oui. Et quand il a aussi dit qu'il y a un frère qui devait accompagner. En fait, le frère, c'est pas le frère qui devait baptiser. C'est la femme. C'est la femme, mais le frère devait l'accompagner. Et quand on me plonge là, qu'il puisse aider à me faire. À te faire sortir. Mais c'est quand même terrible. Voilà, donc, on s'en adore donc aller se faire. On m'a baptisé par Dans le cheminement en route, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, mon cher? De refuser, je devais refuser. Non, honnêtement. Mais comme j'avais accepté dès le départ. Oui, j'étais déjà dedans. Tu vois, que tu as accepté quelque chose. Oui. Et c'est là aussi que j'ai appris qu'il ne faut pas seulement faire les choses pour faire plaisir aux gens. Quand à l'intérieur, ça ne va pas, le but t'a arrêté. Oui. Donc, c'est ton cœur témoin, un témoin sur ton cœur qu'il faut arrêter. Oui. Donc, je suis. On y allait. Quand on est revenu, moi je. Non, allez au cours d'usine. Comment tu dis qu'on est allé, on est rentré? Comment non, tu non, veux faire? Non, non, nous sommes allés, non. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je voudrais savoir vraiment. Je voudrais aussi voir une femme qui baptise pour savoir comment elle fait vraiment. Bon, on entre dans l'eau. On est arrivé, nous sommes entrés dans l'eau. Oui. Elle t'a baptisé vraiment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle t'a plongé comme ça. Oui. C'est ça qu'elle m'a baptisé. Avec ses cheveux au vent. Oui, mais de toute façon. Oui. Et curieusement. Je pense que ça devait faire. Je me rappelle plus exactement. Mais c'est très très peu de temps. Très très peu. C'est maximum 2 semaines. Maximum. Je me souviens plus exactement, mais c'est que c'est maximum 2 semaines. Oui. Si j'exagère. Peut-être c'était la semaine qui suivait. C'est à ce moment que je crois que j'étais élu. Je crois que c'est toi qui m'avais plutôt dit que tu devais envoyer quelqu'un de frais. Oui, oui, John, oui, oui. Voilà. Donc, si dans cette même période-là, que le choix, j'ai eu contact avec le frais, je vais dire, ok, j'arrive, je suis à la douane là, mais je vais revenir sur Yahoo. Il m'a demandé de lire le Nouveau Testament, particulièrement Actes des Apôtres. Et que quand il devait arriver. Vous en avez en parler. Oui. Donc, quand il est revenu, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a dit, ok. Je n'ai pas été baptisé, je vais te baptiser. Il m'a donné un soir. Et là, il m'a baptisé. Oui. Non, et quand tu as baptisé, maintenant, tu étais content. Oui, j'étais content. J'étais à l'aise. Je savais que vraiment, j'ai eu le baptême. Amen. Donc voilà, Alors, je sais pas, il dit qu'il m'a, on a corrigé. Voilà, c'est sûr que je pose la question parce qu'en réalité, il y a une question qui nous a fait entrer dans ces choses-ci. Genèse chapitre 4, versets 1 et 2. C'est pour ça que je suis en train de je pose la question par rapport au baptême que tu as dit tout à l'heure qu'on t'a corrigé. Bon, comment? C'est pour ça que tu as raconté cela. Je reviens. Dans Matthieu chapitre 28, c'est écrit: allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est écrit: allez, faites des nations des disciples, les baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est écrit comme ça, n'est-ce pas? Dans ce cas, pourquoi on baptise plutôt au nom du Seigneur Jésus? Tu vois pourquoi il t'a dit tout à l'heure là que Dieu écrit les choses, il voile dans les Écritures, pas vrai? C'était pour dire, par exemple, je prenais cet exemple ici par rapport au baptême, pour montrer que Genèse chapitre 4, verset 1, comme on te dit, que c'est voilé également de la même façon. C'est écrit. Mais c'est pas comme ça. C'est écrit, mais c'est pas comme ça. Matthieu chapitre 28, verset 19. À l'effet de tous les baptisés au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. C'est écrit vraiment. Quelqu'un dit que voici ça noir et blanc, nous baptisons au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Il dit ok, c'est bon. Mais montre donc là où les gens baptisent au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Pourquoi eux ont dit au nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est là où la Bible commence à sortir. Tu dis quel est le vrai problème? Les suppositions commencent. Les disciples ont dit désobéir au Seigneur Jésus. C'est quand tu vas dire que le Saint-Esprit enseigne la désobéissance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur eux pour les conduire comme ça dans toute la vérité. Jésus avait, notre Seigneur avait dit que quand il viendrait, il vous conduira toute la vie. Et quand il est venu, c'est là qu'ils ont commencé à dire ça. Les deux choses, l'une, soit le Saint-Esprit enseigne, ça n'a pas d'enseignement. Jésus enseigne, ça n'a pas d'enseignement. Et la révélation de l'Écriture montre que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Donc, autrement dit que les apôtres ont été dit, c'est que Jésus a dit une chose et fait l'autre chose. Donc, tu vois effectivement que c'est pour dire qu'il y a une compréhension à amener là-dedans. C'est ce que je voulais parler par rapport à ces Genèse chapitre 4, c'est comme ça. Donc, quand tu dis Genèse, si tu dis, je me limite ici. Adam connut sa femme Ève et l'enfant de Caïn. Tu t'arrêtes là-bas, ok? Elle fait toutes les choses, les bâtiments ne peuvent pas s'intégrer, parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer. Je me rends là-bas, mais tu auras problème à l'entrée des apôtres, pas vrai? C'est vrai. Ben voilà. Donc tu es la bienvenue. Et donc, lorsque tu étais baptisé et que tout cela maintenant et que tu m'as fui à cause du péché originel, pourquoi tu es revenu? Pourquoi je suis revenu? Oui. Oui. Donc tu m'as fui. Pourquoi tu m'avais fui d'abord? En résumé, tu m'avais fui d'abord pourquoi? Parce que quand il a disparu à ce gars, il dit à ma femme que tout le monde, quand ce qui parle, il dit à ma femme que le gars, celui-ci est parti. Quand il est revenu, il dit coucou, viens. Il est revenu. Je ne te souviens pas que quand tu m'as appelé, il t'a dit que je te connais, tu m'avais rencontré, telle chose comme ça, non? Mais ça t'a surpris quand il t'a dit cela? Oui, parce qu'en fait, j'avais oublié. Oui. Tu avais oublié que tu m'avais contacté? Oui. Mais c'est quand tu me dis que je t'avais d'abord contacté pour te parler de Raouf. Ah oui. Je me souviens. Parce qu'en réalité, je n'utilise pas beaucoup Skype. J'avais installé Skype sur ma machine. Parce que quand j'avais suivi, j'avais suivi sur YouTube, oui. J'avais indiqué Skype. Donc j'ai installé Skype sur ma machine uniquement pour avoir accès à toi. C'est pour ça que je t'ai contacté. Oui. Et jusqu'à maintenant, même le Skype que j'ai réinstallé sur ma machine, c'était simplement pour te contacter. Donc je n'utilise pas. Oui. Donc quand c'était comme ça, entre-temps, j'ai changé de machine. Et par contre, tu n'as plus Skype. Oui, je n'avais plus Skype, donc je ne pouvais plus te contacter. Et aussi parce que je savais que le frère Joël était là. Parce qu'il m'avait donné ces enseignements de Blessed Afternoon. Oui. Voilà, que j'écoutais. Donc, c'est quand... Parce que lui-même, avec ce qu'il m'avait expliqué par rapport au péché, okay, il faut que je comprenne correctement. Parce que je suis allé voir M. Cyril, comme je t'ai dit, il m'a dit que ça, c'est les affaires de Marion, Branham. Donc, en fait, c'est ça. Voilà l'issue dans les écoles bibliques. Quand quelque chose les dépasse, il dit que c'est telle personne. Qui est-ce qui dit que je crois en Dieu le Père? Je crois. Quand tu as entendu ça? Je crois en Dieu le Père qui a envoyé son fils né d'une vierge. Né sous Ponce Pilate, mourir à la croix. C'était le troisième jour à sa bâton. Qu'est-ce qu'ils disent ça? J'ai des questions. Ah oui. Nous, on récitait ça à la maison. Voilà, vous faites la ça à la maison. De foi. La confession de foi. Cette confession de foi est vraie, pas vraie? C'est biblique. Oui. Ok. Ça veut dire si je confesse, comme je viens de confesser, ça me fait de, ça fait de moi quelqu'un de l'église évangélique. Mais c'est biblique, ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, la confession, cette confession de foi, et les églises évangéliques, certaines branches luthériennes et protestantes, il y a la partie où on dit que je crois à la Sainte Église universelle catholique. Mais ils ont enlevé catholique, ils mettent universelle. Mais ils savent que universelle, ça veut dire catholique. Donc en réalité, ils sont des confesseurs qui sont des catholiques, ça rend compte. Un frère. Ok, maintenant, je dis donc, si quelqu'un confesse dans cela, il dit qu'il est de l'Église catholique universelle, celui-ci a confessé telle chose, ça fait qu'il soit comme ça. Donc quand il dit que si tu dis que tu crois par exemple que Jésus est venu à la croix, il est venu né sous Ponce Pilate, ni après, alors si tu finis confesser, tu dis que tu es catholique, qu'est-ce que tu en dis? Bon, confession ça sans être catholique. Voilà. Alors c'était pour dire par exemple les effets de l'école publique. Parce que quand quelque chose les dépasse, il dit que non, ça c'est l'enseignement de tel. Ça c'est l'enseignement de tel. Mais il y a les enseignements des Jean-Baptiste dans la Bible qu'ils enseignent. Il y a les enseignements de l'apôtre Paul qu'ils enseignent. Pourquoi ils ne le reçoivent pas directement pour Dieu? Puisque Dieu n'est pas mort. Pourquoi? Pourtant, ce que l'Église catholique dit là, c'est dans la Bible. Mais le fait qu'ils confessent comme ça, ce n'est pas quand même vrai. C'est vrai. Ok. Donc, tu m'as fui, tu es revenu. Qu'est-ce que tu as fait revenir? Non. Tu sais, je n'aime pas dire que le hasard existe. Mm-hmm. Je n'aime pas parler de hasard. Mm-hmm. Donc, comme je travaille et qu'il y a la connexion Internet, mm-hmm. j'aime beaucoup suivre les prédications mm-hmm. en ligne. Mm-hmm. Donc, je suis tombé sur. Ce qui est prédication encore. Le mensonge, je crois. De l'islam. Non, non. Là où tu parles de. Merci. Mais si tu oublies beaucoup comme ça, là, avec l'informatique et la programmation, tu fais la programmation. Oui. Avec la programmation, les incrémentations. Tu vois, en algorithme, tu oublies un point virgule, tu mets le virgule, c'est que ce n'est plus ça, ce n'est pas l'information qu'il reçoit. Non, je sais. C'est pourquoi quand je programme, je mets beaucoup de commentaires. Mm-hmm. Dans les commentaires. Pourquoi oui, quand tu reviens plus tard, tu mets ça. Me... Donc tu mets entre guillemets, entre parenthèses, parce que le parenthèse n'est pas contenu dans l'algorithme. Oui, ce n'est pas contenu. Donc quand j'écris une ligne, oui. c'est que quand c'est que. En fait, tu sais, généralement, c'est la même chose. Mm-hmm. On répète. Mm-hmm. C'est juste qu'on adapte selon le cas. Mm-hmm. Donc, quand j'écris quelque chose qui est un peu complexe. Il y a des formules dont de base, et on réadapte seulement selon voilà, les mots. Voilà. Donc, quand j'écris quelque chose qui est complexe, ou bien qui peut être difficile à comprendre quand on revient, je mets le commentaire. Mm-hmm. Je mets pour ne pas oublier. Oui, pour ne pas oublier. Et avant, j'écrivais aussi beaucoup. Mm-hmm. Donc, quand je. Tu mets des notes pour prendre tes notes. Oui, pour ne pas oublier. Parce que c'est un défaut que j'ai, j'oublie énormément. Mm-hmm. Donc, quand tu parlais des crèmes à l'ouest, ça c'est un peu pourquoi tu te souviens de l'enseignement. Oui. Ça c'est à la radio. Non, ça c'est une émission de la radio. Oui, je voulais dire que c'est une émission de la radio ou bien une émission de l'Assemblée. C'est une émission de la radio, je pense. Et Dynamique FM. Oui. Mm-hmm. Oui. Donc, regarde, c'est que ma soeur avait des problèmes. Mm-hmm. Et quand elle me racontait les rêves, parce qu'à la maison, moi, je leur disais toujours, Jésus-Christ est le seul chemin. Mmh. C'est vrai que je ne le connais pas véritablement comme je désire le connaître, mais je sais qu'il est le seul chemin. Mmh. Vous avez fait de marabout, vous avez fait de tout. Je ne vais plus. Mmh. Et ça fait beaucoup de temps. Ça n'a pas créé les tollés à la maison. Ça a créé. Déjà, quand je suis parti me faire baptiser, là, même pour ma soeur, ils ont fait peut-être deux ou trois jours, ils ne m'ont pas parlé. Que je suis parti prendre les esprits pour m'aider. Oui, mais là, voilà, je vais la toucher. On va la toucher tout à l'heure. Là. Elle m'a dit sympa. Vous mettez sur moi, non C'était difficile à la maison, vraiment difficile. Mm-hmm. Parce que le soir, c'est quand on s'asseyait, j'ai dit à ma mère que je suis allé me faire baptiser. Donc, ça l'a changé. L'assemblée s'est arrêtée là-bas. Ça s'est arrêté là. Elle dit que non. Je pense qu'elle est même partie voir. Il y a une maman là, à Issos. On l'appelle maman Issos. Une voyante. Donc, subitement, il est sorti pour aller voir si on n'a pas vendu. Non, c'était en soirée. Oui. C'était le lendemain, il est parti là-bas pour vérifier si. Tout va bien. Voilà, si tout va bien. Et le marabout, la femme, son marabout lui a dit quoi? Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je leur ai toujours dit que quand ils vont là-bas, moi. Attends, d'abord, il vise ici. Maman, à l'issue de cette rencontre-là, il t'a dit ce qui s'est passé, ce que le marabout a dit. Elle a dit que l'église n'était pas bien, mais qu'il fallait qu'il arrête. Est-ce que tu étais dans une église? Non. Donc tu vois que le marabout a fait tout faux. Donc, continuons ici là. Donc on lui a dit, le marabout lui a dit ce qu'elle voulait entendre. C'était quand il avait passé dans une église. Tu es là où il faut. Il partait là-bas tous les jours. Donc c'est le marabout qui dit que l'église n'avait pas bon. Il y avait même les vêtements qu'on lui avait donné là-bas, c'est ça qu'il portait. Bon, je pose la question. Oui. Est-ce que, on va venir sur ton cas tout à l'heure là, parce que il faut que tu n'as pas, même tu babades comme ça. Hein, parce je que... babade, c'est ce que je veux. Le marabout, maintenant, comme tu es déjà ici là maintenant, comme quand le marabout dit que l'église n'est pas bon, même si l'église n'est pas bon, le marabout lui-même est d'abord bon. Ça, c'est une autre chose, n'est-ce pas? Rentre ici, frère, allons-y. Oui. C'est le monde dans lequel nous nous trouvons. Hein. C'est fort là devant Dieu. Imaginons, et Dieu aussi, il voit tous ces bras. Donc, c'est quand elle a des problèmes qu'elle me dit, je lui dis. Donc, après que tu aies écouté cet enseignement de Bamba Eba, la même période. Non, c'était pas avant. C'était dans la même semaine après. Oui. Ça, c'est quand. C'est même pas elle qui m'a dit, c'est d'abord moi qui m'a dit que ma soeur. Donc, elle a eu des difficultés. Maintenant, elle peut raconter les rêves qu'elle faisait, les rêves bizarres. Je suis allé voir ma soeur, elle m'a un peu parlé. Oui, fait, oui. Mais je suis arrivé donc au bureau en parcourant. Bamba Eba. Oui. YouTube, c'était même pas Bamba Eba. Donc j'allais seulement sur YouTube, parce que j'y vais souvent, je regarde s'il y a des choses qui peuvent m'intéresser, j'écoute. Oui. Oui. Donc je tombe donc sur cet enseignement-là. Oui. Oui. Je dis, est-ce que ça, ce n'est pas par rapport à ce qu'on m'a dit? Est-ce que ce n'est pas par rapport à mes soeurs? J'écoute donc, je télécharge. Et je te contacte comme j'étais contacté. Tu m'as demandé de faire suivre l'enseignement à la maison. C'est ce que j'ai fait. Je suis donc arrivé à la maison. J'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma mère. Et mes frères aussi, ceux qui étaient disponibles. Oui. Parce que généralement, à la maison. Et parce que justement, dans l'enseignement, dans le lancement, le chrétien, peut-être, pour déjà réitérer ça là-bas, que quand tu m'as contacté, je dis, ne les force pas. C'est ce qu'il t'avait dit. Oui. Ne les force pas. Va, prends cet enseignement, mais écoute, laisse que Dieu fasse l'œuvre, n'est-ce pas? Oui. Quand tu es rentré, tu es. Oui, j'ai donc mis ça sur mon ordinateur. Alors, on a écouté, c'était jusqu'à 2h, je pense. Jusqu'à très tard, on a écouté. Donc, on a écouté entièrement. Ma soeur, s'il était là, on a écouté. Mes petits frères, ils sont allés dormir. Attends, donc, ça, c'est pas le mot, réalité du monde spirituel. C'est ça. Voilà. La réalité du monde spirituel. C'est exactement ça. Voilà. Donc, on a écouté. Parce que tu dis que c'est trop tard, c'est parce que les émissions de la radio, disons, elles ne sont pas longues. Donc, c'est 50 minutes et ainsi de suite. Donc, si c'est quelque chose qui est bon, ça va être vraiment spirituel. C'est ça, les réalités du monde spirituel. C'était quelle partie déjà? On a écouté les deux parties. C'est en deux parties. Oui. Enfin, il y a 10 parties. Non, j'ai seulement deux. Quand vous disiez sur YouTube, quand tu vois le thème spirituel, 1, 2, quand tu vois déjà 1, tu regardes 2, regarde 3. Enfin, quand tu cliques à longueur droite, ça va s'afficher là-bas. C'est 10 parties, mon frère. C'est 10. On a écouté juste les deux premières parties. Oui, c'est ça qu'on a écouté. Dans les premières parties, j'ai dit qu'il va commencer à raconter les histoires. Ce soir, n'est-ce pas? Il va commencer à raconter les histoires. Il va commencer à y entrer. Oui. Dans la deuxième partie. Et puis j'ai dit qu'il y a les témoignages ici, au milieu, dans notre pilier. C'est ça, non? On a écouté, c'est les deux parties là qu'on a écouté. Ah ben, dans ce cas, il faut continuer. Oui. Donc, je vais chercher les autres. Eh bien, je crois que quand tu vas écouter les autres parties, ça va encore faire revenir ça doit là. Je vous le dis. Oui. Donc, je les ai fait écouter. Comme entre temps, ils avaient déjà. Parce que ma soeur avait fait un rêve. Elle avait raconté. Oui, elle a donné sa portion. Elle a des lâches. Voilà. Elle avait fait un rêve. Et quand. Moi, il n'a pas encore ma Bible sur le lit, s'il te plaît, sur le lit. J'ai ouvert ça là-bas. Non, et quand je les ai fait écouter, ma mère, le matin, quand je lui ai parlé, que je pouvais tout contacter. Oui, attends. C'est un tenant. Quand on vous écoutait cela, quelle était ta réaction? Bon, moi, j'étais un peu choquée. Choqué pourquoi? Par rapport à ce qui était dit. Bon, moi je me dis toujours que le fait des sacrifices qu'on a l'habitude de faire au village, c'est quelque chose qui date de depuis. Que comment on va éliminer ça comme ça? Que c'est notre tradition. Justement, alors, tu ne vois pas de mal à cela. Bon, si je peux dire ainsi. Et comme bonjour, comme il dit non, on ne peut pas. On va arrêter ça. Moi je me dis que peut-être, comme les gens disent, comme les parents, on se voit la vie. Ah ben c'est ok, je suis allé au salon tout à l'heure, de prendre sur la table au salon, pardon. Quand les parents ont l'habitude de dire que ce qui a été fait depuis longtemps, on continue seulement. Oui, on ne peut pas briser ça, ça aura toujours les effets secondaires. Oui. Bon, je pose une question, il peut même été posé une question avec cette logique-là, n'est-ce pas? Si tu trouves une fille qui vit dans la prostitution, tu sais qu'on dit dans le monde que la prostitution c'est la plus ancienne des métiers, c'est ça non? Et qu'elle te dit que depuis des générations dans leur famille, on fait la prostitution. Est-ce que c'est pour autant pour dire qu'il faut légaliser et continuer, alors que moi, comme c'est la durée? Je suis reparti dans cette logique, c'est-à-dire que puisqu'on a trouvé quelque chose et que c'est quelque chose qui a été perpétré depuis, on va seulement entrer à continuer à enchaîner avec cela. Est-ce que si tu vois donc quelqu'un qui vit dans la prostitution, depuis des générations, sa mère était prostituée, la maman de sa mère était prostituée depuis des générations, ils sont prostitués et vivent bien, ils ne voient pas du mal à cela. Est-ce pourtant pour dire que la position c'est une bonne chose? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce coin? Elle doit faire quoi? Elle doit briser, elle doit arrêter ça, pas vrai? C'est comme ça. La chose c'est, il faut examiner n'importe quoi à la lumière de la parole de Dieu. En fait, les deux choses l'une, il faut que quelqu'un veuille, soit si tu veux suivre ce que Dieu dit. Si tu veux suivre ce que Dieu dit, c'est à lui de prendre les décisions pour décider sur ta vie, sur ce que tu fais, si oui ou non, c'est bien ou pas. Eh bien, si tu ne veux pas suivre Dieu, tu laisses la Bible de côté, il n'y a pas de questions à poser, tu avances seulement. D'accord? Revenons ici, enfin, c'est même pas encore avec toi maintenant. Alors, donc quand ils ont suivi en soirée, donc, la réaction de maman, puisque maman n'est pas ici, et je crois que la maman va aussi venir, parce qu'elle-même, elle est dans les problèmes. Quand tu es rentré, je crois que non, il ne m'adresse pas à toi, il m'adresse à toi, c'est toi, ta confidente. Donc, quand tu es rentré, ta maman a des problèmes. de ce problème. Et quand vous allez rentrer à Yaoundé, ça va ressurgir. Les choses vont ressurgir. Et quand ça va ressurgir, quand les problèmes vont ressurgir, je ne sais pas, Seigneur Jésus, quand les problèmes vont ressurgir, donc quand tu vas à Yaoundé, ne lui dis pas que j'ai dit que les problèmes vont venir. Restez tranquille parce que les problèmes, ces problèmes viennent sur face. Quand ça va venir, vous allez savoir de quoi il est question. Quand ça va venir, je dis devant tout le monde, pourquoi vous êtes deux. Quand ça va venir, vous lui dites, comme vous m'appelez le pasteur qui est à Douala avait dit que ces problèmes viendraient. Je vais vous donner l'indication par rapport au problème. Je vais donner l'indication au problème. Et puis là, ça vous fait venir. Parce qu'elle a des magasins de choses. C'est quand elle sera ici que je vais lui parler à elle-même. D'accord? Passe le conteneur. On va te traiter ton cas aujourd'hui. Tu vas rentrer à Yaoundé libre. Mais avant cela, il faut que je m'entretienne vraiment bien avec toi. D'accord? Donc vous dites à votre maman a des problèmes. Donc comment était sa réaction dans le soir, dans la soirée? Qu'est-ce qui a fait de tel en ce qu'elle s'assied comme ça? Une heure de temps, deux heures de temps, trois heures de temps, quatre heures de temps pour écouter deux enseignements. C'est vrai que la connaissance, ça m'a surpris. Oui. Parce qu'elle fait les bénis en soirée et elle rentre autour de 22 heures. Oui, fatiguée. Fatiguée. Généralement quand elle rentre, déjà que quand on priait, tu sens qu'elle est vraiment fatiguée à l'oubli. Oh, ce jour, elle suivait attentivement. Elle était éveillée. Éveillée. Ça t'a surpris. Donc, vraiment. Oui, ça m'a surpris. Ça t'a aussi surpris. C'est ma soeur aussi que je connais parfois. Est-ce que tu dois me dire que non, je ne dors pas? Oh, la maman était là. Elle dit qu'elle ne dort pas, elle ne dort pas. Oui, oui, elle disait qu'elle ne dort pas. Oh, la maman était lucide. Elle suivait véritablement. Donc, le matin maintenant, elle me dit que celui qui parle là, c'est un pasteur ou bien, on l'a voulu connaître ce qui parlait. Et c'est le matin maintenant qu'elle est revenue ici. Oui, elle est revenue dessus. Oui. Quand vous êtes séparés, la personne n'a dit rien après avoir suivi ça cette nuit-là. Oui. Personne n'a rien dit à personne. Bon. Vous n'avez pas fait de commentaire. Chacun a pris son. Oui. Ça roule, allait dormir tranquillement. Que j'en ai ma claque comme ça. Oui. Attends, il pose la question. Comment tu as dormi cette nuit-là? Bon, avec tout ça que tu as, tout ce que tu as écouté. Bon, il est bien vrai que pendant mon sommeil, j'ai beaucoup pensé à ça. Je n'arrive pas toujours à comprendre les choses que j'avais suivies. C'était vraiment étonnant de mon part. Ok. Merci. Donc le matin maintenant, elle a voulu connaître. Elle dit que moi, je ne connais pas personnellement. Je ne veux pas te dire c'est un pasteur. Tu sais qui? Non, je ne connais pas. Bon, mais quand tu parles d'un taillon maintenant, comme tu m'as vu maintenant personnellement, qu'est-ce que tu vas donc lui dire? Non, déjà, même à ma soeur, j'ai dit, c'est pas un pasteur. Oui, je leur dis toujours que c'est pas un pasteur. Parce que, on appelle le frère Junior. Et dans certains enseignements, je suis l'évangéliste. Et tu veux le nom qu'on me donne comme oui, ça? Oui, non, et moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais suivi dans un enseignement où tu dis je suis un tel. Je n'ai jamais suivi ça. Donc je préfère rester dans cette logique. Je dis c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un que. Mais dans Dieu les autres qui m'ont calmé ont dit que j'ai dit que je suis prophète. Tu as également suivi ça, non? Oui, non mais quand tu as dit que quand tu suis les gens disent à la radio qu'il dit que c'est un faux prophète, alors que c'est un faux prophète, un gourou. Qu'est-ce que tu as dit quand toi tu écoutes ça? Non. Dis-moi, je t'ai écouté, je n'ai pas suivi ça. Et dans mon cœur, parce que mon cœur quand même est calme. Il y a des gens que quand je rencontre mon cœur. Non, moi je n'ai pas. Donc, quand tu as testé ton cœur pour voir qu'il y a quelque chose. pas tester mon cœur, tu vois. Généralement, quand je suis dans l'enseignement de quelqu'un, tu vois, facilement mon cœur va rejeter ou bien facilement mon cœur va accepter. Ou bien mon cœur va accepter certains enseignements et pas d'autres. Oui. Tu vois. Et parfois même m'amener à m'interroger sur la personne. Parfois je commence à taper sur le nez, je tape le nom de la personne. Pour chercher. Pour me donner de faciliter les choses. Là, est-ce qu'on a dit quelque chose sur cette personne-là? Est-ce que. Donc j'essaye de chercher comme ça. Oui. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas. Ton cœur n'a rien dit. Avec toi, je suis vraiment en Parce que si c'était pas. Alors que tu ne me connaissais pas physiquement. Non, je ne te connaissais pas. Si ce n'était pas le cas, comment est-ce que je peux quitter Yaoundé et aller chez quelqu'un sans jamais. Sans le connaître. Non, c'est que je ne pouvais même pas. Et venu même avec ta soeur en plus. Voilà, en plus. Pour ta soeur pour aller donner un peu. On peut dire à la famille que tu as vendu ta soeur. Voilà, par exemple. Que toi, tu ne connais pas. Voilà. Et c'est pourquoi je lui ai dit. Même quand on venait, je lui ai dit que. Je ne le connais pas physiquement. Je ne le connais pas. Je suis. Allons seulement. Oui. Sa voix. Quand il va parler physiquement, il va savoir que c'est lui. Eh bien, c'est la voix que tu avais suivie dans cet enseignement-là. C'est même lui qui m'a appelé. Il m'a dit est-ce que tu te souviens de l'émission qu'on suivait une fois? Il m'a dit que n'est-ce pas, c'est la même voix. Je lui ai dit. Ok. Oui. Donc maintenant, et quand vous êtes là maintenant, vous êtes venu. Vous êtes la bienvenue, n'est-ce pas? Oui. Donc le matin, il te demande. Oui. Il est un pasteur, non, c'est pas un pasteur. Je le connais pas véritablement. Ça, c'est quand, si vous voulez, mm-hmm. si tout dépendait de moi. Mm-hmm. Parce que elle m'a dit qu'avec ma soeur, mm-hmm. ils étaient arrangés que le vendredi, c'était vendredi. Non, samedi. Départ pour le village. Oui, mm-hmm. ça, non. Mm-hmm. Que le samedi, c'était samedi ou vendredi. Enfin, le week-end de toute façon. En fait, le week-end. Mm-hmm. Après. Oui, le week-end. C'était vendredi. Mm-hmm. Oui, que le vendredi, là, il devait aller au village. Mm-hmm. Je leur ai dit que si ça ne dépendait que de moi, mm-hmm. ils venaient. Elle venait ici. Mmh. Et souviens-toi qu'au bureau, quand tu as écouté ça, tu m'as fait signe par la suite. Moi-même, j'étais appelé. Oui. Puis je t'ai dit que ce que tu as écouté mmh. et que le Seigneur, comme le Seigneur fait comme ça, là, laisse le Seigneur faire. Mmh. Va à la maison, appelle-les et mais, ne force pas. Ben, ne force pas. Ouais. Mmh. Et tu as fait exactement comme ça. Oui. Le Seigneur a arrangé les circonstances. Mmh. Oui. Mmh. Et donc là, maintenant, elle dit nous sommes sur le point parce qu'ils sont arrangés parce que celle-ci a des problèmes. Oui. Il faut aller au village pour faire telle ou telle chose. Voilà. Maintenant, quelle est la maman maintenant sa position à l'issue du fait qu'elle a écouté cet enseignement? Quelle était sa position? Non, elle voulait qu'on vienne ici. Mm-hmm. Ça, c'était sa position. Oui. Elle voulait qu'on vienne ici. Mm-hmm. Et c'est ma soeur. Donc, quand je quitte même la maison le matin, mm-hmm. je sais qu'elles vont venir ici. Je pense que ça devait être le mercredi mm-hmm. qu'elle devait venir ici. Mm-hmm. Oui. Parce qu'elle m'a dit, j'arrive au bureau, je t'appelle. Mm-hmm. On avait calé déjà. Comme tu m'as dit que si elles sont du bureau, je oui, tu me dis pour que je fasse le programme pour les accueillir. Voilà. J'arrive donc au bureau. Je reste calme. Mm-hmm. Le temps de m'installer, oui. de me concentrer pour commencer la journée. Ma maman m'appelle, elle me dit que pas derrière, ma soeur se plaint, qu'elles avaient arrangé leurs choses. Et même dans gâtée. On vient gâter, pour elle c'est toujours comme ça, elle voulait. Elle dit à ma mère au téléphone que vraiment, quand moi je quittais le matin, on avait déjà tout arrangé. Mm-hmm. Et les questions, parce que je leur avais dit que, et si c'est toujours le village qui vous intéresse, mm-hmm. venez d'abord à Douala, mm-hmm. il vous dit ce qu'il a à vous dire, mm-hmm. on voit comment tu vas faire les choses. Mm-hmm. Dieu peut faire en sorte que le village ne soit plus nécessaire. Mm-hmm. Ou alors, si vous n'êtes pas satisfait, mm-hmm. vous partez mercredi, jeudi mm-hmm. et vendredi. Vous continuez au village. Vous continuez au village. Non, moi je leur avais dit. C'est les bonnes options. Oui, mm-hmm. je leur avais dit cela. Mm-hmm. Donc, vous continuez au village. Si vous partez, vous n'êtes pas satisfait, vendredi, vous partez au village. Mm-hmm. Il n'y a pas de souci. Que Dieu fait. Soit le premier d'abord. Mm-hmm. Oui, que oui. pour moi. Mm-hmm. Ces choses-là, je ne suis plus dedans. Mm-hmm. Et depuis que vous partez, moi, je ne parle plus. Vous mm-hmm. me voyez là, je souffre de quoi. Mm-hmm. Parce qu'avec ça, ils sont partis même chez la maman. Là. Mm-hmm. Ils sont partis. La maman des sauces là. Oui, des sauces là. Qui avait menti sur toi que ton église est. Ils sont partis là-bas. Non, c'est le cas, c'est le cas. C'est elle qui était là-bas. Oui. Non, laisse tranquille. Oui. Avançons, oui. Oui. Ils sont partis là-bas. Voilà, c'était chaud. Mm-hmm. C'était difficile à la maison. Mm-hmm. Tu sais, quand ces choses-là se lèvent, oui. ce sont des choses que, de façon. Comment je veux dire. Physique même, mm-hmm. on le ressent à la oui. maison. Mm-hmm. Oui. Donc quand c'était chez les hommes, partir, toute la maison, ils disent que je ne parle pas. Mm-hmm. Et je leur avais dit que pardon. Ils parlent comme ça pour chercher des solutions alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans le magasin, encore davantage de problèmes sur les problèmes. Non, je leur ai dit que moi je vais pas partir là-bas. Mm-hmm. Parce que moi je suis parti, ils m'ont fait des choses bizarres mm-hmm. quand même. Mm-hmm. Jusqu'à prendre, c'était au crâne de quoi là. Mm-hmm. À un moment, on m'a appelé, j'étais ici à Douala. Mm-hmm. Quand j'étais à Douala, on m'a appelé toute urgence, on m'a dit que si je ne viens pas, je ne vais pas vivre. Tu as dit que qu'est-ce qui ne va pas? Oui, là, oui, je suis parti, on m'a amené là-bas, elle a fait ces choses jusqu'à mettre le feu sur ma tête. Oui. Ma maman a fait ça, une autre fois elle a fait jusqu'à, il y avait un crâne, je ne sais pas si le crâne de singe. De singe ou mm-hmm. de quoi, jusqu'à frapper ici sur mon front. Mm-hmm. Voilà. Non mais c'est terrible, pas vrai. C'est terrible les pratiques qui se passent. Mm-hmm. Donc elle a fait ça, et ce qui m'avait marqué, c'est qu'en 2010, mm-hmm. ma tante décède. Mm-hmm. Et avant de décéder, elle avait les mêmes problèmes, mm-hmm. les mêmes situations difficiles. Mm-hmm. Elle est partie voir cette maman. Mm-hmm. Ma maman dit c'est la sorcellerie mm-hmm. et que ça va prendre quelqu'un. Mm-hmm. Elle a travaillé sur tous les enfants, elle a laissé ma tante est décédée. Mm-hmm. À partir de cet instant, je dis souvent à la maison que si ces gens étaient vrais, c'est que ma tante n'est pas décédée. Mm-hmm. Non, c'est vrai qu'avant, mm-hmm. j'avais dit que je ne parle pas. Mm-hmm. Et quand c'était chaud là. Comme tu es parti. Parfois. Tu t'en sentais que c'était. Oui, parce que l'atmosphère n'était pas sans oui. Donc depuis ce moment là. Mm. Et pendant les obsèques de ma tante, il mm. y a aussi beaucoup de choses qui sont passées. Moi, c'était la grande soeur directe à ma mère. Moi, personnellement, je ne pouvais pas manquer à ce deuil là. Mm. Je ne suis pas parti au village. Parce qu'on disait que je ne peux pas partir rentrer. Mm-hmm. Donc, si tu parles là, c'est que ta tête va caler en voilà. haut. Tu as eu peur, tu n'es pas parti. Donc, je ne suis pas parti. Et pendant cette. Et là, maintenant, ce phénomène que tu expliques, on a mis le crâne sur ta tête, le feu sur ta tête, ainsi de suite, là, mm-hmm. ça se passe avant que tu sois chrétien, avant que tu prennes la décision ferme oui. pour Christ. Oui. Et bien, et depuis que tu as pris maintenant la décision, la ferme révolution de marcher comme Dieu veut, est-ce que tu as encore la même difficulté qu'eux espérément? Non. Voilà. Non. Donc, ça veut dire que la voie, le chemin, c'est qui? Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mm-hmm. Je n'ai plus eu ce problème. Oui. Et regarde quelque chose, pendant les obsèques d'or, tout est difficile. Mm-hmm. Mais à la maison, quand même, on avait commencé un moment quand Dieu fait vraiment les choses. Mm-hmm. Même quand on est un peu ignorant, il pense qu'il nous aide toujours. Mm-hmm. Pourquoi je crois véritablement à ce Dieu-là. Mm-hmm. Parce que, avant cette période, j'avais initié quelque chose à la maison qu'on suivait régulièrement. C'est-à-dire le soir, avant d'aller au lit, on priait beaucoup. Mm-hmm. On chantait les cantiques. Mm-hmm. C'est vrai qu'on récitait le Notre Père aussi à la fin de chaque prière. Donc, on priait beaucoup, on priait beaucoup. Quand ma tante décède, les problèmes commencent. On dit, oh, c'est la sorcellerie, oh, c'est le début, il y a une longue liste de noms. Mm-hmm. Mais que ça vient de cette époque, on vient de qui? Toujours des marabouts. Mm-hmm. Toujours des marabouts, toujours. Oh. Et on a fait jusqu'à son mari aller chercher les potions qu'on avait au bois pour se protéger, pour les obsèques et pour les rivages. Mais, comme je t'ai dit, ce moment on priait beaucoup. Mm-hmm. Il fait qu'à la maison, on a refusé. Mm-hmm. Ma mère a contribué pour qu'on fasse ça. Mm-hmm. On a, quand c'est venu, on a partagé, on a donné pour elle. Elle a pris la mienne à la maison, mais on n'a jamais pris. Mm-hmm. On est parti plutôt voir, il y avait un pasteur. On est parti le voir, là, il a dit que ne vous inquiétez pas, rien ne va vous arriver. Mm-hmm. Donc c'est ça qui a fait en sorte qu'elle se calme même un peu. Mm-hmm. Voilà. Et donc quand on revient, regarde, on était encore dans la semaine des obsèques, on n'avait pas encore fait la levée. Mm-hmm. Je reste à la maison avec mon petit frère. Et je me sens faible subitement. Donc tu restes à la maison, tu restes à la maison avec ton petit frère subitement, avec tu sens petits frères, avec tes petits frères, tu sens subitement une faiblesse sur toi, une pesanteur. Oui, je me sens faible, je sens que c'est comme si mes forces me quittaient. C'est-à-dire que je n'arrive pas. Heureusement, ils étaient là. Et quand on connaissait, on avait déjà prié. Heureusement, ils disaient que ça ne va pas. Pardon, mais tu vois, je m'en prie. Moi, j'étais dans l'incapacité, puisque j'étais assis, d'être dans l'incapacité de me lever. Ils te mettaient à genoux. Ils sont mis à genoux. Ils ont prié. Moi, je ne pouvais pas ouvrir, quand c'est moi qui conduisais, j'ai subitement comme ça là, tu oui, y avais. Subitement là. Mm-hmm. Oui. Donc ils ont prié. Et mes forces me sont revenues. J'allais rejoindre la prière, on s'est levé. Mm-hmm. Donc c'était vraiment difficile à ce moment. Mm-hmm. Vraiment, vraiment difficile. Mm-hmm. Donc après ça, maintenant, je prenais toujours ça. Mm-hmm. Comme exemple à ma mère. Lui disait toujours que ta grande soeur est partie. Si ces gens-là voyaient, si ces gens-là pouvaient, c'est qu'ils n'ont pas décidé. Je ne peux pas comprendre qu'elle va quelque part moins d'une semaine de celle. Ce n'est pas possible. Vous savez qu'il y a un problème. Donc jamais je ne vais plus mettre mes pieds là-bas. Parce qu'on est en 2010. Ça, c'est en 2010. Je n'ai plus jamais mis mes pieds. Et là, maintenant, quand tu quittes là-bas, tu peux ta soif et ton cœur continuent à s'accentuer dans la voie de la sainteté pour chercher Dieu. Oui. Oui. Donc, plus. En fait, depuis ce moment-là, quand j'ai dit que non, que je ne vais plus jamais mettre mes pieds là-bas, ce désir-là vraiment a grandi. Oui. Et je ne vais pas dire que jusqu'à maintenant c'est fini, parce que je continue de chercher. Je sais que quelque chose me manque. Je sais ça, quelque chose me manque. Je veux vraiment marcher, mais je n'arrive pas. Oui. Tu es la bienvenue donc. Tu as écouté quelques enseignements, tu sais qu'avec ces enseignements-là, tu peux aller quelque part, tu peux avancer avec Dieu, pas vrai? Et donc, il y a des personnes qui vivent même déjà ce que je cherche. Amen. Amen. Et là, l'une des fois, tu es venu à la Douala, tu es allé au niveau de l'Assemblée. Du jour là, je devais venir, je suis allé pour résoudre certains problèmes. Je ne suis pas venu. Donc, quand tu as vu, comment tu as vécu à l'Assemblée à Marquepe de l'autre côté là-bas? Peut-être que moi, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas une Assemblée? C'est ça que j'ai toujours recherché. Oui. C'est-à-dire la simplicité. Mm-hmm. Comme on avait dit, en fait, je me suis senti bien, je me suis senti dans mon environnement. Oui. J'ai dit, voici ce que je cherche. Oui, voici ce que je cherche. C'est vrai que ce jour-là, quand je t'ai dit au téléphone, c'est même le jour où j'ai prié pour la première fois avoir mal au genou. Tu as dit que les gens ne sont plus trop à genoux ici là. Oui, parce qu'on prie, à un moment donné, je crois, cette fois-ci, c'est fini. On engage encore. Non, le frère dit, sujet de prière. Et on ne parle, après, il donne un sujet de prière. On enchaîne, on prie. Mais c'était bien, pas vrai, frère? Non, c'était bien. C'était bien, c'est juste ce que les genoux là disaient. Tu vois, quand tu es fatigué, là, tu te vois, cette fois-ci là, certainement, on va se lever. Ah, et on vous est dans quel quartier? Mimboman, Chapelle. Ok, Chapelle, Mimboman. Donc, dans les zones de Express Union, vers la totale. l'hôpital Mimboman, ou bien à partir du rond-point, on part, il y a là où on voit les ananas partout là. Ah oui, nous sommes, c'est encore après, c'est environ 3 km. À partir de là où on voit les ananas. Ok. Oui. On est à Don Bosco en bas là-bas. Non, Fécamp. Au Fécamp. Il y a la route aussi qui va à Don Bosco, oui. Il y a celle la plus petite là. Oui, oui, oui. Voilà. Ok. Le cheminant là-bas. Mm-hmm. Mais au Fécamp, là-bas, après le Fécamp, le goudron est terminé là-bas. Oh, et ça, on descend voilà, là-bas. C'est la route qui. Et là, c'est seulement les motos qui vont. C'est juste qui vont jusqu'en bas. Oui. Après le goudron, nous sommes environ 2 km. Encore. Oui. Courage. Courage. Mais ça, c'est là où nous avons grandi. Parce que si Dieu le veut, moi, je compte quitter ici l'année prochaine. Et donc, et maintenant, quand vous êtes quitté ici, maintenant, pourquoi ne pas ouvrir votre maison à Yaoundé, vous réunissez véritablement pour le Seigneur, pour vivre la vie du Seigneur? Pourquoi chercher plutôt les endroits alors? C'est une très bonne chose si ça arrive comme ça. C'est bon. Voilà. Parlant de ça, quand on a arrêté, parce que la prière que je t'ai dit, on a arrêté, heureusement. Parce que les gens ne se sentaient plus. Voilà, tu arrives, on veut prier. Il y a toujours les gens sont fatigués. Après, maintenant, ça fait même des problèmes. On s'engueule là. On est pris avant de dormir, vous vous engueulez avant de dormir. Voilà. Non, il y a les petits, par exemple, les petits soucis qui se sont passés en journée. Oui. Et quand on arrive le soir, maintenant, ça revient et ça devient sujet de dispute et chacun se sépare. Et ma mère me dit qu'il y a l'une de nos voisines qui est venue un peu comme en confession pour lui demander pourquoi est-ce qu'on avait arrêté la prière à la maison. On a prié à un moment donné jusqu'à elle se demander si elle ne pouvait pas souvent passer. Elle avait essayé aussi avec voilà, elle voulait venir ce jeune d'avou. Mais comment vous avez arrêté la prière alors que j'avais déjà le désir de venir vers vous? Vous voyez ce que ça peut faire, n'est-ce pas? Mais de toute façon, Dieu fait toutes choses bon en son temps, d'accord? Si Dieu permet et que vous voulez que je rejoigne votre famille, c'est pas à toi de prendre la décision. Je vais voir ta mère. Quand elle va venir à Douala, je vais lui parler. C'est vrai que je rejoins votre famille. Je rejoindrai votre famille. Je viendrai chez vous à Yaoundé. On va passer 2 ou 3 jours. On va prier. D'accord. Pour traiter, voir le cas des gens, des membres de la famille. D'accord. Merci, mon frère. Bon, tout à l'heure, je t'ai dit, avant que la maman, elle n'en vienne, elle dit que comme nous sommes 3 à la maison, je ne peux pas causer avec elle tranquillement. Maintenant, comme maman, elle est là, tu peux disposer. Comme ça, puisque causer avec elle. Comme c'est là, maman, elle est là, elle va me soutenir. Merci beaucoup. Donc, soit tu vas dans la chambre, soit tu vas au salon. Mais allonge-toi, soit tu vas être libre, d'accord? Ou bien tu peux te promener, même, ou bien tu peux dans mon champ là-bas, tu peux regarder. Maïna, assieds-toi là-bas. Et ferme ici. Ok. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit que. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai. Tout, depuis hier, quand vous êtes venu, qu'est-ce que tu as constaté? Depuis hier, quand tu es arrivé? Tu m'as occupé. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de prier pour vous, jusqu'à 2 ou 3 heures, quand j'étais en train de causer pour résoudre l'autre problème de l'autre côté. Comme tu t'es levé à la 1h, tu m'as vu en train de causer. Je me suis couché vers 3 heures. Donc, je n'ai pas eu le temps de prier vraiment pour vous. Et ça m'a recommandé votre séjour ici entre les mains du Seigneur. Donc c'est tout à l'heure quand je suis allé me laver, quand tu as fini de te laver, je suis allé me laver. C'est le moment, le même moment là-bas, c'est aux toilettes que je veux bien prier. Que je veux bien prier. Alors pendant que je vais prier, je vais lire donc ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est sur ça donc qu'est basé tout ce qui te concerne. Si tu es prêt, tu me dis, j'ouvre la Bible. Et je vais ouvrir cette Bible, c'est à toi que je vais donner, tu vas lire. D'accord? Que Dieu te bénisse. Lis le verset 12 qui se trouve là-bas, à haute voix. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Ça va, le verset 12, n'est-ce pas? Oui. Il dit quoi? Telle voix paraît droite à un homme, oui, mais son issue, c'est la voix de la mort. Je veux que toi-même, tu m'expliques d'abord avant qu'on avance. Tu as dit que ça fait Mireille ou Mireille. Okay. Je voulais déjà dire Mirabel. Oui. Non, non, c'est en français, tu as fréquenté, non? N'est-ce pas, on a dit que les femmes peuvent être pasteurs. Vas-y. Non, et moi, je n'ai jamais. Telle voix paraît droite. Moi, je comprends un peu dans ce sens que, bon. Les rites que j'ai l'habitude de faire. Non. C'est pas ça. Non, attends, je vais dire ceci, n'est-ce pas? Ne va pas vite en besoin. Je n'ai pas dit que tu expliques par rapport à ta vie. Je vais y arriver. J'ai dit que quand j'ai prié, pendant que je me lavais, l'eau tombait sur moi, c'est ça. Et ils ont dit que tout ce qui te concerne va se contenir là-dedans. Mais je vais d'abord dire que dans la compréhension de ce verset, c'est au premier plan. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que, si quelqu'un était devant toi et te demandait, essaye de m'expliquer ce que ça dit, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, quand il s'agit de telle voix, moi je ne comprends, je suis un peu perdu. Je ne sais pas de quelle voix il s'agit. On dit telle voix, ou bien telle voix. On dit telle voix. N'importe laquelle. Essaie d'expliquer en langage simple ce qu'on a dit là. Oui, je prends une autre version biblique, j'apporte. Peut-être ça peut être moins. Oui, voilà. Est-ce que je comprends vraiment? C'est pas difficile. Alors, qu'est-ce que mon âme? Quand est-ce que je parle? Ça, c'est la version. Ça, c'est la version parole de vie. Ça, c'est Proverbe chapitre 14, verset 12, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà. Il veut que tu me lises. Je crois qu'ici, là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Verset 12, chapitre 14, verset 12. Toi-même, fais cela. Donc, c'est la version parole de vie ici. Ici, là où tu as lu, c'est la version Louis Segond. Ça dit, telle voix paraît droite à un homme, son issue, mais son issue, c'est la voix de la mort. Mm-hmm. Allons-y, verset 12 là-bas. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. Oui. Et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. Donc, ici donc, essaie d'expliquer ce que tu entends. Moi, j'entends par là que tu peux penser à quelque chose. Tu te dis que cette chose, c'est ça qui est bien pour toi. Oui. Et en fait, ce n'est pas ça également. Et que ça ne te conduit où? À la mort. À la mort, merci. Tu vois donc que la Bible est facile, n'est-ce pas? C'est très facile. Donc tu choisis un chemin, tu crois effectivement que c'est un bon chemin. Mm-hmm. Tu ne sais pas qu'au bout, c'est la mort qui t'attend. C'est pas ça qui est simple. Là. Maintenant, avant d'avancer, tu as un être qui habite en toi. Avant d'avancer n'importe quoi, tu as un être qui habite en toi. Et à l'instant où je suis en train de parler maintenant, cette être-là, c'est que je suis là attaqué. D'accord? On va prier pour toi, ça va s'arrêter. C'est pour ça que je veux qu'on fasse. Soit tu veux qu'on prie d'abord. De toute façon, après même la prière, puisque vous allez dormir ici encore aujourd'hui et aller demain, après la prière, tu verras la différence. Qu'il y a la puissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ici. Alors, initialement, déjà, il pose la question, si tu permets. Qu'est-ce qui a fait que tu prennes la décision? Tu dis à ton frère que je vais donc voir le pasteur. Bon, c'est que j'ai pensé à tout ce que j'ai l'habitude de faire. Oui. Je me suis dit, depuis que je fais telle chose, je fais. On m'a toujours dit, après ceci, tu vas avoir un changement. Oui. Mais depuis que j'ai déjà. Tu as fait tout cela. Tout, j'ai fait. Rien. Oui, rien, pas toujours de changement. Maintenant, tu as dit que maintenant. Je me retourne vers. Oui. Et là, tu as dit à ton frère. Et ton frère, qu'est-ce que ton frère a dit que je lui ai dit? Il t'a fait le fil. Quand il a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que toi, tu as dit, si je m'engage, oui. Que ça soit vraiment toujours. Oui. Donc, vous ne restez plus en arrière. Oui. Voilà. Et tu as accepté cela. J'ai accepté. Voilà. Donc, je ne suis pas ceux qui promettent des miracles ou quoi que ce soit. Ce que je dis, je vois, je dis. Parce que je sais de qui je détiens cela. Ça, c'est un. De deux, je ne peux pas faire de la complaisance avec quelqu'un. Parce que je n'ai pas le pouvoir pour faire quoi que ce soit si lui ne le fait. Et par conséquent, je suis obligé de faire ce que lui il dit. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas quelqu'un ou bien un marabout pour dire que fais ceci, ceci va marcher, pour te flatter. Je dois te montrer la voie droite dont l'issue n'est pas la mort. Et maintenant, la première promesse que je te fais, c'est que si tu as souffert dans le monde, la vraie t'attend maintenant en Christ pour te corriger. Et ici, ce sera une bonne souffrance, parce que c'est la souffrance éducative. Hein, Mie? Ce sera la souffrance éducative. C'est l'école. Voilà, c'est l'école. Donc, tu vas entrer dans l'école de la souffrance du Seigneur. Maintenant, tu ne souffriras plus seul. Tu vas cheminer avec lui. Il te soutient dans toutes ces souffrances. Il te soutient. Même si c'est la mort, il te soutient. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, il dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, l'issue, ça veut dire la fin. Le tunnel. Imagine, tu entres dans un tunnel, tu vois, waouh, parce que la voie que je cherchais, tu fais, ou en voyant que la personne que tu fuyais se trouve au bout du tunnel. Donc, l'issue, c'est le blocage. Alors donc, plusieurs... Bon, je ne vais pas raconter les choses de ta vie que les marabouts doivent raconter, quoi que ce soit. Tu sais toi-même qu'il y a un problème. Et ce n'est pas seulement toi qui es dans ces problèmes, c'est toute la famille. C'est pour ça que la famille a besoin, votre famille a besoin de la délivrance. Si vous m'invitez chez vous à Yaoundé, je viendrai, plaise à Dieu. Donc c'est pour ça que j'attends d'abord votre maman. Tu as suivi l'instruction qui est donnée par rapport à ta maman. Donc tu rentres à Yaoundé, tu ne lui dis pas. Tu vas rendre compte par rapport à tout ce que j'ai dit par rapport à vous, vous deux, les conversations. Fais-toi, sens-toi libre de dire ce que tu as pensé, ce que tu as vu et que tu as raconté. Mais pour elle, ne dis pas. Le problème va surgir. Tout à l'heure, je vais vous dire en aparté, ce que je veux dire, c'est ce que je ai parlé n'est pas un problème. Quand ce problème va surgir, sache que c'est le moment de lui dire que l'indication se doit là. D'accord? Voilà. Donc, revenons sur toi. Est-ce que c'est pourquoi tu fais quitter ton frère à côté de nous? Parce qu'il y a des choses secrètes et privées. Je veux qu'on en parle. Malgré qu'on vit et que de temps en temps, on va dans telle voie, on sait que cette pratique, c'est laissons la pratique du maraboutisme. Il y a des pratiques que tu sais que si ce n'est pas bonne en tant que femme, mais tu la pratiques. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. D'abord. Si tu veux également qu'elle quitte. Ok, vas-y. Tu dois être libéré totalement. Libre. D'accord? Tu dois être libéré totalement. Et il ne faut pas que quoi que ce soit crée le blocage. D'accord, ma chère Mireille? Je vais dire ces choses-ci parce que à l'issue de ça, je vais te dire que ici, il y a des choses que tu dois couper. Couper de telles relations, de tels rapports, tu vas devoir couper. C'est de ça que je suis en train de parler. Parle, sens-toi libre, parle. Pas trop la question. Des rapports en tant que femme. Le rapport avec l'extérieur en tant que femme. Dans ma vie privée ou bien. C'est ça que je viens de parler. Ok, bon, il est bien vrai que dans ma vie, j'ai quand même rencontré plusieurs personnes. La première personne que j'ai rencontrée. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont touchés de même? Parce que l'être qui est là gâche la vie de ceux-là également. Bon, la première personne que moi j'ai eu à rencontrer, c'est quand j'étais ici à Douala. J'étais chez mon oncle. J'ai eu à partager ma vie avec un jeune homme. On a passé peut-être, je crois, c'était trois ans ensemble. On n'avait jamais eu de problème jusqu'à mon retour sur Yaoundé. On n'a jamais eu de problème. Jusqu'à j'étais même à Yaoundé, il venait me chercher. Bon, c'est la distance qui nous avait séparés, on n'avait pas de problème. Bon, après quelques temps, j'ai fait la rencontre d'un homme là-bas. C'était quelqu'un aussi âgé, c'était quand même humain. En lui, moi, je voyais cette personne avec qui je peux passer le reste de ma vie. Bon, peut-être que chez lui, ce n'était pas le cas. Je ne savais pas. Je sais que moi, j'étais à lui avec tout mon cœur. Et que tu donnes de l'homme marié. Donc, j'étais en train de lui dire que je touche ce domaine-ci parce que l'être qui est là, comme je dis que tu es habité. Tabernaclé par un être. Que cet être-là affecte la vie de ceux-là. Donc tu es un faisceau, un canal pour détruire les vies. Même en ton insu. Et donc, dans tes rêves, tu peux expérimenter des choses terribles qu'un être humain ne doit même pas vivre. J'ai fait un rêve avant de voyager avec mon maman. Oui. J'ai fait un rêve. Je ne me rappelle pas très bien de ce rêve. Mais je sais que j'étais dans la concession de mon père au village. J'étais là. Je ne peux plus très bien me rappeler parce que ça fait déjà longtemps. Je sais que c'est quand la femme de mon oncle, elle était décédée après qu'on a eu l'enterrement, quoi. Et j'ai fait ce rêve-là. Et ce rêve-là, j'étais là, j'étais dans la concession là, net où on avait enterré derrière la concession de ma grand-mère. On était là. Il y avait une femme. Je ne sais pas si elle me demandait de partir, je ne sais pas trop. Mais la seule question que je lui ai posée, je lui ai dit, les enfants qu'on vient d'abandonner là, je vais partir, je vais les laisser à qui? Il faut qu'on parte ensemble. Un monsieur est sorti, bon, je ne me rappelle plus trop. Il est sorti, il m'a dit, je t'ai demandé de partir. Je lui ai dit que je ne peux pas partir et abandonner ces enfants ici, on les a confiés en moi. Subitement, je vois une voiture qui passe. Un camion qui passe, ça divise la maison en deux. Je me retrouve maintenant dans un grand champ. Les enfants étaient derrière moi. je vois maintenant quelqu'un m'apparaît, mm-hmm. ma tante qui venait de décéder, mm-hmm. elle apparaît devant moi et dit au monsieur, parce que le monsieur lui ressemblait à mon oncle chez qui j'ai vécu ce moment-là, mm-hmm. il dit au monsieur, vous m'avez tué mais vous ne pouvez pas, je protège mes enfants, rien ne peut les arriver. Mm-hmm. Je suis restée là, j'étais perdue quoi, je ne sentais pas, et dit que, la femme lui dit que, tu tentes de les approcher, moi je vais t'abattre. Mm-hmm. Mais, et moi j'essayais de me défendre. Le monsieur avançait avec l'épée en main, mmh. mais il essayait de me poignarder. La femme, cette personne qui est apparue là, elle aussi elle avait son épée, elle s'est mise à combattre avec le type. Elle a tué le type. Mmh. Elle a emporté les enfants. Mais je ne sais pas comment elle a fait pour emporter les enfants, mmh. mais il paraît que le monsieur avait cru que lui aussi m'avait poignardé de son côté. Oh, il ne m'avait rien fait. Je me suis couchée là, faisant semblant d'être morte. J'ai vu comment la femme amenait les enfants. J'ai dit dans mon cœur que je voulais protéger ses enfants. Maintenant, elle amène ses enfants et elle me laisse. Je regarde, je vois comment le monsieur est couché. Je me dis que peut-être qu'il est décédé. Je dis que bon, comme il est décédé, que je cherche à fuir, qu'il ne me retrouve pas. Quand je me lève donc pour essayer de fuir, je vois comment le monsieur se lève et me dit que tu ne vas pas t'échapper. Je réussis quand même, je contourne la maison. Je pars maintenant dans la concession de l'autre femme de mon grand-père. J'essaie de me cacher sous les bananiers là-bas. Je reste là. Je reste. Deux personnes reviennent encore. Deux grands-pères là, ils reviennent. Ils disent que, commence à regarder. Nous, la femme qu'on cherche depuis, elle est où, commence à regarder. J'étais toujours sous les bananiers. Après, mon oncle là, je le revois encore monter. Il leur dit, depuis que je vous ai demandé de chercher cette fille, elle est où? Elle ne doit pas nous échapper, elle est entre mes mains. Elle ne doit pas nous échapper. Cherchez-la, moi, j'ai besoin d'elle. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Il arrive là, lui aussi, sous les bananiers, il soulève la tête, il regarde, il regarde. Il ne me voit pas, pourtant j'étais là. Il fait demi-tour, il dit à ses hommes, contournez, allez regarder de l'autre côté, elle doit être par là. Et j'étais sortie de ma cachette. Quand je sors pour aller emprunter un cas, je vois comment ils sont en bas en train de me chercher. Je me cache maintenant sous les ailes. Ils entrent au champ, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Je dis Dieu merci, personne ne m'a vu. Quand je veux maintenant sortir, il y a une femme qui passe là derrière moi. Elle était habillée en blanc. Elle passe là. Elle dit, il y avait deux messieurs qui étaient assis là à la véranda de la maison. Elle dit, mais aussi quelqu'un qu'on cherche depuis qu'il est couché. Donc depuis qu'elle est là, vous ne la voyez pas. Et le monsieur se lève et dit qu'elle est où, elle est où. J'ai dit à la mère là que maman, pardon, ne me trahis pas, ces hommes vont me tuer. Je ne sais pas ce que je leur ai fait pour qu'ils me tuent, pardon, ne me trahis pas. J'ai dit que non, je ne peux pas te tuer parce qu'on te cherche depuis. Je sors maintenant, il y avait le grand, parce qu'il y avait trois grands-pères là. L'autre était là, placé là comme ça là, donc, devant la porte. Deux autres étaient de l'autre côté parce qu'il y avait une allée de l'autre côté. Je sors maintenant, je commence à plaider à celui qui était devant la porte. Je dis que papa, papa, pardon, n'accepte pas qu'on me tue. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. N'accepte pas que cela n'arrive pas, s'il te plaît. La femme insistait pour que les deux autres viennent m'arrêter. Le monsieur leur dit, écoutez d'abord ce que cet enfant vous dit. Donc depuis qu'elle vous supplie comme ça, vous ne comprenez pas. L'autre lui dit, on va seulement la tuer. C'est un ordre qui nous a été donné. On a longtemps cherché, on ne peut pas la trouver comme ça et l'abandonner encore. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je me suis retrouvée, donc je me suis réveillée. Et ça, ce rêve t'a marqué? Ça m'a beaucoup marqué. Marqué. Et quand j'ai expliqué cela à ma maman, elle allait voir le mariage en question. Laissons les vœux de ça de ma maman. Oui, parce qu'après cela, oui. Elle allait voir ça. La femme là a dit ceci. Elle a dit que c'est ma grand-mère maternelle qui me menaçait. Laisse ce que les marabouts ont dit, pardon. Mm-hmm. Donc je dis que tu es tabernaclé par un être qui veut contrôler ta vie. On va le confronter tout à l'heure dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans l'issue de cet entretien-ci, tu sauras que quelque chose de différent va se passer à l'issue de cette prière-là. D'accord? Alors maintenant, je vais te poser quelques questions encore, si tu le permets. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette culture d'aller chez les marabouts, pour chercher la solution? Pourtant, vous avez la genèse de la Bible à la maison. C'est-à-dire que vous avez le background, le socle de la Bible. Ce n'est pas que quelque chose m'a poussé, c'est l'habitude. Puisque tout à l'heure, parlez fort pour son frère, non? Depuis tout petit, nous on avait l'habitude là que quand ça ne va pas, puisque l'oncle de ma mère, il était souvent. quand ça n'allait pas, c'est lui qui prenait soin depuis toujours. C'était comme ça. Donc depuis de notre enfance, c'est devenu comme une habitude. Une habitude. Mmh. Depuis notre enfance, quand ça ne va pas, on ne nous a jamais dit que comme vous voyez là, quand ça ne va pas, il faut se retourner vers Dieu. Mmh. On ne nous a jamais dit ça. C'est ça, voilà pourquoi ça me devient bizarre. Oui. Parce que tes parents faisaient comme ça, mais ils allaient à ce qu'on appelle l'église. Rarement. Il dit église évangélique. Oui, mais ils partaient rarement. Ah. Ils font la confession donc d'être là-bas, mais ils vivent dans le maraboutisme. Donc ça veut dire que train quotidien, marabout, marabout, marabout. Non, c'est comme ma mère dit souvent que quelque chose qui est de pur, on ne peut pas se lever un matin et abattre cela. C'est ça. Qu'on a trouvé, on fait. C'est mais tu, avec l'exemple qui est dit tout à l'heure, donné tout à l'heure par rapport aux prostitutions, tu vois que c'est son argumentation ne tient pas debout, n'est-ce pas? Tu permets donc que je te lis quelques passages de la Bible déjà. Ou bien je prends. Je crois que comme la version du second te dérange. Tu préfères ouvrir ça dans la version ou bien je vais te donner le passage, tu ouvres la scène. Ouvrons Lévitique. Ouvre doucement. Lévitique là. Tu es dans Lévitique. Ouvre le chapitre 19. Tu lis à haute voix. Hein? Tout le chapitre. Non, non, non. Je vais te donner le verset. Attends que tu ouvres le chapitre 19. Oui. Ok. Maintenant, lis le verset 31. Verset 31. Ne cherchez pas à consulter les esprits des morts d'une manière ou d'une autre. Donc, donne-nous ton explication de Lévitique 19, le verset 31. Mais réalisons encore. Ne cherchez pas à consulter les esprits des morts d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est dans la version parole vivante. C'est parole vivante, c'est parole de vie. Ouvre un peu le DV, voilà. On a dit que parole. Parole de vie. Parole de vie, oui. Cela vous rendrait impur. Le Seigneur, votre Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que tu en dis? Cela, moi, je dis que. Après toute chose, à cette personne de qui on peut se retourner sur notre Dieu. Et que si on se retourne vers les esprits des morts, qu'est-ce que ça fait? Quelle est la conséquence? La mort. Allons-y, ouvre la page suivante. Chapitre 20, le verset 6. Lisez le verset 6. Voici un autre exemple. Quelqu'un consulte les esprits des morts d'une façon ou d'une autre. C'est une manière d'adorer les faux dieux. C'est pourquoi j'agirai contre lui et je le chasserai de la communauté d'Israël. Qu'est-ce que tu en dis? Relis encore bien. Voici un autre exemple. Quelqu'un consulte les esprits des morts d'une façon ou d'une autre. C'est une manière d'adorer les faux dieux. Retourne d'abord là-bas. Il dit que si quelqu'un consulte les esprits des morts d'une manière ou d'une autre. Il dit que c'est une manière de faire quoi? Hein? D'adorer les faux dieux. Qu'est-ce que tu peux expliquer par rapport à ton cas? Et dans le cas de ta famille, dont ta famille adore les faux dieux. Et Exode 20, verset 4 dit qu'on n'adorera pour aucun autre, on ne se prosternera pas devant aucune autre image, devant aucun autre. N'est-ce pas? Tu vois là-haut, c'est, et toute personne qui adore les faux dieux, enfin, il a dit qu'il va le chasser de la communauté. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait comme ça, quand ça ne va pas, on dit Dieu, Dieu est fort, pas vrai? Après avoir adoré les faux dieux. On a d'autres explications. On dit que c'est les dieux de nos ancêtres. Que les dieux de nos ancêtres, c'est notre tradition. Tu vois combien de familles. C'est à ta maman que je vais entrer dans les détails par rapport à cette famille-ci. Si tu vois comment les familles sont plongées dans les ténèbres, veux-tu être libre par rapport à cela? Allons dans Deutéronome, avance devant. Deutéronome. Chapitre 18. Verset 9 à 4, tu y es déjà? Deutéronome, chapitre 18. Verset 9 à 14, n'est-ce pas? Tu vas lire doucement parce que je sais que dans ta version, là, ça sera très bon. Et puis de chaque fois, je vais t'interrompre. Allons-y. Chapitre comment? 18, le verset 9 à 14. Commençons verset 9. Moïse dit, quand vous serez arrivé dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous n'apprendrez pas à imiter la conduite horrible de ces peuples-là. On ne devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir. Stop. Qu'est-ce que tu en dis? Donc Dieu dit qu'on ne doit pas trouver ça. Quand vous allez entrer dans le pays, n'imitez pas ces choses-ci là. Parce que les peuples là font ça. Tu vois que c'est que tu entends, parce que tu es dans la tribu Bamileke, tu es de la race Bamileke. Tu vois que ce que vous faites aujourd'hui, je suis Bamileke également. Ce que nos ancêtres faisaient, ça n'a pas commencé avec eux. Donc ça vient, la trace vient depuis avant l'Égypte. Tu vois, c'est ça qui a fait déjà que modernement, maintenant on appelle ça culture. On a changé ça maintenant dans les danses. Dans certaines traditions, on danse, on fait des danses, on porte des habits spéciaux. C'est l'initiation. Les initiés qui sont là-bas savent qu'ils sont des perpétués comme ça. Une tradition et par conséquent, ils rendent culte à un dieu, à des divinités. C'est pour ça que dans d'autres, dans ta version là au chapitre 19 tout à l'heure, on a lu que ce sont des faux dieux. C'est une manière d'adorer des faux dieux. C'est une manière. Si tu fais ça, tu as comme ça d'adorer les faux dieux. Donc il dit donc ici là qu'on ne doit pas trouver cela. Personne qui interroge les esprits ou des magiciens. Et c'est justement ce que ta famille. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ta famille? C'est ça, ils avaient mis l'habitude de faire. Mais avec la Bible à la maison, n'avez-vous jamais lu cela? Non, jamais lu. Je n'ai jamais lu cette partie. Ok, maintenant tu t'es posé la question, puisque tout à l'heure tu as dit, et ton frère l'a dit ici, et toi-même tu l'as dit de ta bouche, que tu t'es posé la question, comment quelque chose qu'on a trouvé longtemps, comme ça qu'on a trouvé, on va abandonner ça un de ces jours comme ça. Tu vois donc que c'est Dieu qui dit, n'est-ce pas? Avançons. Qui lit dans le ciel qui devine l'avenir? Qui pratique la sorcellerie? Qui envoûte les gens? Qui jette les sorts ou qui, d'une manière ou d'une autre, consulte les morts. Tu as entendu ça? Oui. Tu vois, effectivement, le culte des morts, on ne peut pas faire culte chez les Bamileke, c'est dangereux, n'est-ce pas? On dit d'une manière ou d'une autre. Comme par exemple, chez vous, par exemple, quand on a enterré telle personne, ça va faire des années, on va aller enlever la tête. Oui. Il y a des lieux de crâne, des hauts lieux. C'est comme on avait dit dernièrement qu'il faut qu'on aille au village et retirer le camp de mon père pour... Qu'est-ce que tu vas donc faire donc maintenant par rapport, comme tu as vu là maintenant? Ça va rester. Tu vas le montrer ceci à ta mère aussi, n'est-ce pas? Donc voilà autant de choses. Les gens se mettent sous la malédiction parce qu'on a trouvé cette malédiction. On passe à la génération future. Je me permets de poser une question. Si je te pose la question, que où sont tes enfants? Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu dis que où sont les enfants? Moi j'ai construit une première fois, moi j'ai enlevé. On va parler de cela, d'accord. Donc ça veut dire quand il pose la question, au moins tu es l'une des rares personnes que quand il pose la question de façon parabole, tu comprends ce que son elle dit. J'étais dit tout à l'heure qu'il n'y a rien à devoir à cacher, d'accord. Est-ce que ton frère sait cela? Non. Tu vois pourquoi je l'ai éliminé, n'est-ce pas? C'est entre toi, moi, la sœur C et puis Dieu. Est-ce que c'est normal cet acte-là? Si Dieu était devant toi, qu'est-ce que tu lui diras? Je demanderai pardon. C'est la loi qui se répète. Comment tu peux être dans la souffrance et puis tu peux pas faire de telles choses? Bon, de toute façon, on laisse ça, n'est-ce pas? Ou bien tu veux qu'on en parle? Ça dépend de vous. Non, ça dépend de toi. moi je suis gêné à l'intérieur. Quand je détecte les choses, je ne cherche pas des voies et moyens comment parler. Je suis obligé de passer par la Bible parce que derrière la Bible, il me cache, il parle bien. Non, vous pouvez toujours parler. Dans des moments difficiles, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. Et ça nous conduit à un endroit où on regrette. Allons-y. Bon, moi, je l'ai fait pour une seule raison. Parce que le type en question, bon, je ne m'attendais pas à l'avoir. C'était une surprise pour moi. Et j'étais encore sur les vents. Et en fait, c'est surtout la peur qui m'a poussé à faire ça. Tu sais, ma maman, c'est... Comment on va, c'est qu'on va faire? C'est qu'on va, qu'on va me tuer ou... Parce que ma maman, c'est d'abord une femme très officielle. Et en plus, le type en question, même, il était... Donc, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Tu savais que l'avenir n'était pas là-bas avec lui. Oui. Et aujourd'hui, je me demande si vraiment l'enfant était là, comment est-ce que cela devait se passer? Parce que depuis aujourd'hui, quand on s'était séparés, je ne l'ai jamais vu, même l'appeler hier. Ils doivent même le rencontrer, hein, quoi. C'était la première, la dernière fois. Okay. Donc la séparation, vous avez eu la séparation? Et la séparation, là, moi, je l'ai même vu dans les rêves. Continuons notre lecture jusqu'au verset 14. Verset 12 maintenant. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. Tu entends ça? Oui. Je veux que tu relises là. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. Oui. C'est pourquoi à votre arrivée, il chassera les habitants de ce pays. Oui. Mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu. Oui. Les peuples que vous allez chasser écoutent les charlatans. Oui. Et ceux qui lisent dans le ciel. Oui. Le Seigneur votre Dieu ne veut pas de cela pour vous. Tu entends ça? Donc ça veut dire que tu sais Dieu. Ces choses n'arrivent pas là. C'est écrit dans la Bible, non? Donc si tu veux suivre le Seigneur, c'est terminé. C'est pour ça que vous pouvez ne pas comprendre la position de votre frère Jules. Parce qu'il a pris position. Si tu lis la Bible, c'est autre chose que tu constates. C'est pour cela que les gens, les tollés, les gens se lèvent maintenant pour dire que les gens, les blancs sont venus pour coloniser. Dieu a parlé des blancs ici ou bien des noirs. Donc c'est, voilà le Dieu souverain qui a dit que voici l'acte que je n'aime pas. Il dit que si quelqu'un le suit, voici ce qu'il va faire. Mais les gens ont commencé à croire que les blancs sont venus prendre notre tradition. Ils ont pris le truc. Ça, c'est les blancs. Ça, tu as entendu parler des blancs qui n'étaient pas ici. Donc, tu vois effectivement que c'est une fuite en avant, c'est une façon de se cacher par rapport à la vérité, n'est-ce pas? Veux-tu suivre le Seigneur Jésus-Christ de façon irréprochable? Alors, c'est vrai qu'on dit que la voie à laquelle tu as marché doit changer totalement. Et à l'issue de la prière, ça suppose donc que tu n'auras plus de contrôle. Tu n'auras plus de contrôle. Comme je t'ai dit, ça veut dire que c'est un domaine de souffrance maintenant qui concerne Dieu. C'est, il veut dire ceci, je veux dire ceci, c'est vrai que si tu tentes de faire comme tu fais, comme tu faisais, tu vas voir la correction va être maintenant proportionnelle à la faute que tu as commise. Il va te corriger pour que tu marches comme il veut. D'accord? Quand tu, comme la Bible déclare dans ses livres de Romains chapitre 6, que lorsque nous étions dans le péché, nous étions libres à l'égard, sous la loi, on était libres à l'égard des péchés dans le monde. On était libres à l'égard des péchés, donc tu pouvais pécher comme tu veux. Maintenant quand tu es en Christ, c'est autre chose. Parce qu'il a dit, je suis saint, vous serez saint. D'accord? Disons le dernier passage dans Jérémie. Chapitre 10 de Jérémie. Tu y es. Verset 1, 2 et 3. Jean d'Israël, écoutez la parole que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il dit. N'imitez pas les autres peuples, n'ayez pas peur. Des signes qui viennent du ciel, ce sont les autres peuples qui en ont peur. Tu entends? C'est voilà pourquoi tout à l'heure dans ta version, il disait dans Deutéronome que ceux qui consultent le ciel, scrutent le ciel. On appelle les devins pour essayer de savoir ce que le ciel voit, comme le temps sera, comment les horoscopes, comment le temps sera demain. Il faut avoir si tu es né sous tes signes, tes jours ne vont pas sortir pour porter des couleurs du jour ici, tes chiffres portent bonheur ici. Ne faites pas ça, n'ayez pas peur du ciel, parce que ce sont les gens du peuple qui ont peur de cela, oui. Verset 3. Oui, les costumes des autres peuples. Non, va... lis bien. Oui, les costumes. Des... Non. Ah! Oui, les coutumes des autres peuples ne valent rien. Tu as entendu ça? Donc Dieu veut dire que les coutumes des autres peuples... C'est de la vanité, ça ne vaut rien. Et par conséquent, il me dit par là que tout ce que les gens célèbrent là-bas en tant que coutume, ça ne vaut absolument rien. Puis il indique les pratiques qui se passent dans ces coutumes. Qu'est-ce qu'il dit? Il coupe du bois dans la forêt. Oui. Et le sculpteur taille une statue de faux dieu, oui, avec un ciseau. Tu entends? C'est suffisant. Quand tu auras le temps, tu vas lire tous les mains. C'est pour dire que les idoles, les choses qu'on fait, les boules de bois, quand tu entres chez les marabouts, dans nos foyers, dans nos villages et au-delà, ils sont de faux dieux. Quand il dit faux dieux, il veut dire que les démons sont derrière. D'accord. Ferme maintenant la Bible alors. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie, d'accord? Amen. Pourquoi tu es venu me voir? Alors que tu as entendu seulement la voix. Quand tu as entendu la voix cette nuit-là, dans l'enseignement, quelles sont les choses que tu as suivies même déjà? Tu peux appeler le frère là qui vient maintenant. Donc, c'est Est-ce que la santé? Hein? Est-ce que la santé? Oui, il va être là-bas quelque part. Reste à la fenêtre. Il s'appelle Jules ou bien tu es même au balcon. Mais là, j'ai retenu. C'est ce qu'il a marché. J'ai retenu certaines choses comme l'adoration des crânes, par exemple. Oui. Oui. Et c'est là, ça t'a révolté. Mm-hmm. Quand tu as suivi ça, ça a révolté. Et ça m'a dit, c'est ce que toi tu es en train d'aller faire. Mm-hmm. Mais pourtant, tu y es quand même allé. Mm-hmm. Je suis allée bon parce que j'étais aussi sur la pression. Mm-hmm. J'étais sur la pression de maman. Parce qu'elle, c'est une femme, quand elle décide, il faut qu'elle fasse. Si tu ne le fais pas, donc elle te parlera de ça tous les jours. Mm-hmm. Pour qu'on te mette mal à l'aise. Mm-hmm. Bon, quelles sont les choses que tu as expérimentées, que tu connaissais que voici le problème et que tu veux, que tu voulais en sortir et tu, ça t'a poussé dans cette voie-là, par exemple? Bon, moi, mon père, on m'a toujours dit que j'étais bloquée. Mm-hmm. Mais, les gens qui disent là partout, là, pourquoi ils ne débloquent pas? C'est que nous, on avait l'habitude de partir. Mm-hmm. Elle a essayé. Elle m'avait dit que non, je vais travailler sur ça. Elle a fait ça trois fois. Elle a fait ça trois fois. Elle a dit ça va. Que tu vas voir, ça va s'ouvrir. Mm-hmm. Après, ça s'est fermé encore davantage. Ça ne s'était même pas ouvert. Oui. Quand j'ai fait le rêve d'or, je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, mm-hmm. On va encore aller là-bas. Elle a dit que c'est ma grand-mère. Mm-hmm. Il faut aller faire. On va aller sur le crâne au village. Il faut aller donner l'huile et tout. Tu as vu maintenant ce qu'on a lu ici, non? Mm-hmm. Quand tu vois ça, cette personne-là qui t'indique d'aller faire ces choses-là, tu penses que cette personne c'est une bonne personne? Non. Tu penses que c'est qui? C'est un indicateur de qui? Tu penses que quel est son... Je voulais dire cette femme-là, mm-hmm, qui t'indique que va au village de ta grand-mère faire tes choses. Tu penses que quel est son rôle sur la terre? Mais vous payez. Donc vous allez vous payer l'argent pour qu'on vous détruit. N'est-ce pas bizarre ça? Et le Seigneur Jésus dit dans la Bible que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez aux eaux, venez et buvez, venez acheter de l'eau gratuitement, ceux qui ont soif. Donc c'est là où il n'y a rien à payer que les gens refusent. Mais c'est le chemin qui est tortueux. Le chemin qui est tortueux et qui donne l'issue est la mort. C'est là où les gens partent et ils payent. Regarde comment les gens prennent de l'argent. Ils achètent un quelqu'un de dit en narguant les autres que. Et il boit même 14 bières, il n'est pas sous. Bon, supposons qu'il ne soit pas sous. Qu'est-ce que son rein, le rein, qu'est-ce que ça subit? Qu'est-ce que son cerveau subit? Et il va acheter une bouteille de bière, peut-être 600 francs CFA. Multiplié par 6, par 10, ça fait 6000 francs CFA. Qui va faire ça pour boire la maladie? Les reins vont en gâter l'œsophage. La gorge, le cerveau. Après, il va arrêter le téléphone. Vous allez voir ça. Même va comme ça, trembler comme pour Jean-Paul II, comme ça. Il n'aime pas courir une grande distance parce qu'il est essoufflé. Il prend l'argent que Dieu lui donne par sa grâce pour acheter quelque chose pour gâtiller le corps que Dieu a fait. En se vantant. N'est-ce pas, l'homme est devenu fou vraiment? Par moment, laissant les enfants affamés. Mm-hmm. Il peut venir comme ça, là, il achète le bien à tout le monde. Sa femme à la maison lui dit qu'il y a lui qui est manqué. C'est la bastonnade de la maison. Satan ne veut pas le bien des hommes. D'accord? Satan ne veut pas le bien des hommes. Concernant la fondation de votre famille, c'est à ta maman que je vais adresser cela. Ça concerne. C'est pour ça que quand on va te toucher, quand il disait tout à l'heure, bon, j'ai dit qu'il veut dire ça en aparté. Bon, c'est bon. Oui, tu es allé au village. Explique-nous ton départ pour le village. Malgré que tu aies suivi cet enseignement, et que quelque chose te disait dans ton cœur que la voie que tu as choisie maintenant n'est pas la bonne voie. Que c'est pas ça, voici la voie. Parce que c'est très clair que le Saint-Esprit t'a parlé dans ton cœur que tu es sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Pourquoi pourtant tu as quand même entêté, tu t'es encore entêté à aller faire? Quand tu es arrivé au village, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait? Bon, quand nous sommes arrivés au village, il faut d'abord passer au marché, acheter ce qu'il nous fallait. Oui. On a acheté, on a préparé ça dans la nuit. Le lendemain matin. Attends, c'était quelles sont les choses qu'il te fallait? Qu'il vous fallait? On nous a demandé de préparer le mets de couscous. Avec le mets de couscous. Oui. On a fait ça. Il nous fallait aussi le jujube. Le jujube, oui. Le jujube. La viande de la chèvre. Oui. Il fallait aussi ça. Et la cellule séchée. Mm-hmm. Oui. Attends, c'est pour donner à qui tout ça, tous ces préparatifs là? On a versé ça sur le crâne. Attends, non, allons-y financer. Toi maintenant, en tant qu'être humain, qui réfléchit? Parce que nous voulons voir la parole face à ce que les gens font comme notre tradition, d'accord? Pour qu'on sache ce qui se cache derrière. C'est pour ça que je suis arrêté. Il m'a arrêté si vous posez cette question-ci. Tu achètes la cellule séchée, le jujube, je fais le mets de couscous mélangé avec de l'huile rouge. Mm-hmm. Pour verser sur le crâne. Le crâne de qui? De ta grand-mère. Okay. Elle est décédée. Oui. Et son crâne qui est là-bas. Oui. Le crâne mange. Quand vous venez là-bas, vous voyez effectivement que dans les zones de crâne, il y a des choses qu'on a d'abord fait là-bas, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, elle a mangé. Vous voyez les fourmis en train de se tourner là-bas, les cafards, les souris viennent manger avec les lézards, pas vrai? Le lézard là, c'est la grand-mère. Mm-hmm. Ou bien elle est entrée dans la fourmi maintenant pour manger. Quand tu es là-bas, je voulais dire, je vais seulement dire que est-ce que le bon sens ne te dit pas qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe? Et on te dit maintenant, quand on vient là-bas, on parle en patois, en disant que voici ce que j'ai apporté. Oui. Et là, il faut faire en présence d'un marabout. Ou bien, ou partir chez le marabout, il concorde, mais il dit qu'il va maintenant faire. Oui. Il y a le gardien de la tradition. Quelqu'un qui est le gardien du haut lieu. Qui peut, c'est-à-dire celui qui gère le terrain, quoi. Oui, puisque quand nous étions arrivés là-bas, on a cherché. Il y avait une maman. Oui. Puisque la maman disait que c'est la seule, elle est la seule qui restait dans la famille. Oui, donc c'est elle qui a le porte. Il dit gardien de la tradition. C'est elle qui avait versé ces choses-là. Voilà. Oui, elle a parlé d'abord pour vous introduire. Mm-hmm. Alors je pose la question, elle s'adresse à qui? À cette grand-mère-là. Mais toi maintenant, avec ta logique, tu penses que c'est elle qui s'adresse? Qu'est-ce que tu en as lu ici aujourd'hui? Par rapport aux esprits des morts. N'est-ce pas, on a dit c'est le faux Dieu? Ou bien tu veux qu'on le relise encore? Non, tu as compris, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que tu as écouté l'enseignement le soir, on te présente le Seigneur Jésus-Christ. Tu as choisi le faux Dieu. Parce qu'en réalité, tu en as marre de la souffrance. Tu veux que les choses changent, pas vrai? Mm-hmm. Maintenant, depuis que tu pars, quelque chose a changé. Quand tu pars, c'est comme si on en convissait encore davantage seulement. Pas de changement. Alors maintenant, pourquoi on n'est pas réfléchi comme ça depuis? Mais le diable a son temps, n'est-ce pas? Mireille. Alors maintenant, si quelqu'un nous écoute et que toi maintenant, et ce sont les Bamileke qui sont pleins là-dedans, et ce n'est pas seulement les Bamileke, parce qu'en Haïti, la zone d'Haïti, les zones des îles, parlant des îles même, il y a des choses qui vont arriver sur les îles que Dieu va frapper parce que les pratiques terribles se passent dans les îles. Moi, ce n'est pas le moment, je vais parler de cela plus tard parce qu'il y a quelque chose qui s'est suivi depuis plusieurs mois, des réunions secrètes qui se font sous les îles et aux alentours des îles. Les îles, les Caraïbes, c'est terrible. Dans la Jamaïque aussi. Donc, mais revenons sur Mireille. Mireille, si quelqu'un t'écoute, les Bamileke sont dispersés dans le monde entier. Si ce n'est pas le Bamileke des souches, c'est le Bamileke des pratiques. On est d'accord. Parce qu'il y a des traditions africaines, il y a beaucoup de choses qui se font qui sont similaires à la tradition dont tu fais part, n'est-ce pas? Si une femme t'écoute, ou bien n'importe qui a t'écouter, qu'est-ce que je peux le conseiller? Écoutez, c'est le point. Et maintenant, si elle dit que c'est parce que tu n'as pas trouvé le bonheur là-bas, que tu as de vouloir fuir. Parce que si tu as, de toute façon, disons même cela, si tu avais la solution, tu devais venir ici. Bon, si j'avais eu la solution, ça devait être temporaire. Temporaire. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui te fait croire maintenant que là où tu as la voie où tu as d'aller, c'est la voie pour avoir la solution définitive. Et que les solutions ne sont pas toujours sûres. Parce que ça vient en son temps. Parce que pour le marabout, il fait tic pour que tu aies cette tac. C'est parce que Dieu a bloqué, c'est parce que mon Dieu a bloqué pour que la personne ne réponde. Mm-hmm. Pour que vous veniez ici. Mm-hmm. mon cher Jules, bon arrivé, on a touché les choses secrètes, d'accord? Alors maintenant, je dis, qu'est-ce qui te fait croire donc ici, de ce côté-ci, tu vas voir quelque chose? Bon, depuis un certain temps, moi, je prends l'exemple sur mon frère. Oui, il ne va pas dans la voie où tu vas. Mm-hmm. problème. Mais c'est, il n'a pas de problème que tu as. Il n'a pas de problème. Et moi, je, depuis un certain temps, je demande aussi à Dieu de me venir en aide pour que je sois aussi dans la même voie que lui. Mais il fait que quand il m'a encore parlé de ça, je n'ai même pas hésité pour lui dire que bon, chaque fois, je lui demandais, est-ce que tu as encore rappelé, est-ce que tu as encore rappelé. Le soudanais qui m'était approximé pour descendre en doigt là. Vous allez me tuer sur la terre ici. Il faut qu'il rentre bonne vie dans la maison. Tu veux pas qu'il faut qu'il rentre. Il faut qu'il retourne. Il vous laisse avec la terre, votre terre ici là. Si tu fais le résumé de l'argent que vous avez gaspillé sur le marabout, ça peut être combien? Beaucoup. Depuis notre enfance jusqu'à l'âge. Oui. Beaucoup. Tu peux investir. Alors, ça veut dire que vous avez dépensé dans le néant. Hein? C'est-à-dire, Dieu dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Vous finissez de faire le travail, Dieu vous bénit. Vous allez donner à Satan. Non seulement donner à Satan, donner même le c'est quand il commence à parler, les visionnaires viennent, ça me dérange. Donner même votre âme. C'est-à-dire que parce que c'est pas l'argent qui est le problème. C'est le fait, puisqu'on a vu là-bas, que quand tu vas là-bas, tu te souilles avec eux. Donc ça dit que les aspects physiques qu'on donne là, c'est seulement pour mettre en relation. Mais le vrai problème, c'est ton âme. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, que donnerait un homme en échange de son âme. C'est, son, c'est ton âme qui est précieux. J'étais en train de regarder une visitation où on a enlevé les habits. Mireille, il m'adresse à toi. Un homme a enlevé les habits. C'est comme si c'était pour moi quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on griffait. Ou c'est on griffait quoi? C'est quelque chose, c'est une griffe. C'est une griffe. C'est, on a dit, qu'est-ce qu'on a enlevé? En réalité, on n'a pas griffé, c'est que c'était une aile. On frotte comme ça là. Oui. On, ils sont de voir la main monter et descendre comme ça là. C'est comme si on plante dans quelque part. C'est ce qu'on fait, on plante la main. Attends, c'est pas comme ça, parce que c'est pas incision ici là. Je ne sais pas, on parle d'incision. Ce que ça veut voir, c'est quelque chose qu'on a de frotter. C'est comme si c'est quelque chose qu'on frotte. Et puis, suis attentivement. C'est comme si c'est. Ce que je regarde, c'est comme si c'est l'herbe, il y a la terre qui est mélangée là-dessus. Et que c'est. On frotte. Et puis c'est l'endroit où on a frotté, ça sèche. Et c'est un peu solide, c'est un peu comme si c'était la terre est comme l'argile. Et ça, vous savez, le kaolin. Le kaolin. Tu connais le kaolin? Oui. Donc la terre là, ça fait comme le kaolin. Après, ça tire un peu le corps comme ça. Bon, je sais que la dernière fois que j'ai trouvé, on a fait ça. On a Ce que je suis en train de dire là, c'est pas maintenant. Je parle de l'âme dans le passé. Parce que j'ai commencé par parler de la nudité. C'est comme si on a enlevé la vie et qu'on a de faire ces choses que je suis en train de dire là sur le corps. Donc, ce sont les choses qu'on mélange avec les ossements humains qu'on a écrasés. Donc, ce sont les choses que je suis en train de parler. Donc, c'est frotter. Donc, je vois la main monter et descendre comme ça, monter et descendre sur le corps. C'est pas, on ne blesse pas. C'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est quelque chose, il y a quelque chose. Je suis en train de regarder l'action qu'on fait. On prend là, dans quelque part. On fait et on frotte. C'est du haut vers le bas. Et c'est la chose que je suis en train de regarder ici. C'est comme si c'est mélangé avec la terre. Donc c'est ça l'aspect de la terre. L'aspect avec. Et comment elle parle maintenant la langue? Sa langue qui parle maintenant avec son frère. C'est que. Non, je lui explique aussi, il peut m'aider à vous dire clairement. Non, en fait, ils sont des témoins. Je n'ai pas besoin de ton renseignement. Ils sont t'expliquer ce que tu as regardé dans le passé. Ce sont les petits problèmes que je suis en train de te dire. Mais le vrai, c'est que, comme je t'ai dit, c'est un être qui est là. Mais à ta maman, je vais vous parler de la fondation de cette famille ici. Si vous voulez qu'il vienne à Yaoundé, il vient à Yaoundé. Si vous ne voulez pas qu'il vienne à Yaoundé, il ne viendrait pas à Yaoundé chez vous. Mais sa mère doit descendre. Elle va descendre, quand ça va la prendre, n'est-ce pas? Elle va confirmer. Donc, cette chose-ci, la chose qui est comme la terre, là, je suis en train de dire que comme mère, ça fait le corps. Il parle comme ça, quand il parle, c'est la sensation, là. Ça fait comme si, vous savez, vous les femmes, vous mettez souvent les choses au visage, vous appelez. Quand vous voulez dormir, vous mettez les choses au visage. Voilà le masque. Vous sentez cette sensation, n'est-ce pas? Cette sensation, ce que j'en ai ressenti là. Ça, quand on met ces choses-ci sur le corps, les endroits où on a mis, ça fait comme ça, ça tire. C'est l'ossement humain qu'on a fait ces produits-ci avec. C'est pour ça que j'en ai parlé. Je parlais de la contamination de la Bible avant que ceci est là comme ça. Tellement de mélange. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre vraiment la décision pour venir vers moi? de trouver la solution à mon problème. Et tu penses que le Seigneur Jésus le fera? Eh bien maintenant, je vais te promettre quelque chose. Il n'est pas toujours, il ne fait pas toujours comme on veut. Il peut maintenant enlever ceci, maintenant, ce qui est plus dur que cela. Pour tester ta foi. Tu es prêt à suivre? Si tu lis la Bible de la bonne façon, tu vas voir que tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus n'ont pas toujours été dans la joie en tant qu'être humain. Mais n'étant pas dans la joie en tant qu'être humain, était dans la paix de Dieu. Avec la paix de Dieu. C'est-à-dire que dans les difficultés et autres. Le vrai problème que tu as maintenant, c'est que tu ne te trouves pas en lui. Si tu te trouves en lui, c'est que, et que ces difficultés venaient de lui, alors il doit avoir la sérénité. Moi qui me trouve devant vous, vous pensez qu'il n'y a pas de problème. Depuis que vous êtes venu là, vous avez vu un aspect du problème sur moi. Mais j'en ai des tonnes de problèmes. Mais il sait que mes problèmes sont sur lui. Et j'ai mes problèmes. Tu vois un peu? Cette sérénité, c'est un peu comme quelqu'un qui a un compte en banque où il y a des milliards. Il reste là, il bouge le pied. Si tu lui dis que tu as un problème de 25, il va se demander comment tu as fait pour avoir le problème de 25. Comment tu ne sais pas plus manger le matin? Parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce que lui, il a l'argent en banque. Il est enseigné que s'il a problème, il enverra la main et prendra. Il ne peut pas comprendre comment toi, tu n'as pas quelque chose quelque part que tu veux prendre. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Oh, donc ça veut dire que c'est parce que j'ai l'assurance qu'il y a quelqu'un quelque part que j'ai mes problèmes. C'est pour ça que ça peut me rester tranquille. Mais quand tu n'as pas la solution, il faut que donc, tu cours derrière la solution, ce que tu cherches. Dieu, mais c'est qu'il utilise ces choses aussi, que Satan puisse vous malmener comme ça pour que vous venez à lui. Pour que tu cherches les solutions partout, tu cherches partout, partout. Et quand tu dis qu'il n'y a pas le moyen, Jésus, je reviens à toi. Quand on chante un peu, tu les suis là à mon club. Il n'y a pas de batterie ici. C'est la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après donc ça, les voies vont s'ouvrir. D'accord? Mais il te promet qu'après ça, quand les voies s'ouvrent, c'est les vrais problèmes qui commencent. Parce que les vrais problèmes, c'est maintenant que les puissants des ténèbres seront contre toi pour dire donc tu veux nous échapper. De toute façon, quand tu vas rentrer à Yaoundé, tu vas voir donc là, ce que j'allais dire le début. Toi et ta soeur, tu vas travailler avec elle dans le domaine de la séparation. Il faut qu'elle prenne l'engagement de lire la Bible. Après ceci, de lire la Bible. Si elle lit la Bible dans les temps où elle va lire, elle lit seulement sa part. Elle va lire sur le sommeil qui va la déranger. Elle va lire seulement bail. Et tout ce qui peut l'arriver. Dormir bien. Mais si elle dépose la Bible, reste tranquille. Hein, Mireille? Maintenant, après la délivrance, il lui faut véritablement lire les Écritures. Il faut qu'elle soit remplie des Écritures. Et qu'elle marche dans l'obéissance. Ça veut dire que désormais, ce n'est pas sa voix, ce n'est pas ses pensées à elle. Qu'elle va vouloir mettre en exergue, c'est qu'elle va devoir penser que qu'est-ce que Dieu pense par rapport à telle situation. Ce que tu as de vouloir faire, c'est un peu comme un enfant qui vient de naître et qui est en d'apprendre à marcher. Il va falloir que tu abandonnes la confiance à la personne qui a été conduite, le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'enfant, quand tu vois un enfant de 2 ans, quand il marche avec son père ou avec sa mère, l'enfant n'a pas un projet pour 20 ans. Nous sommes d'accord? Quand il a besoin de la nourriture, il fait maman, il faim. Il ne veut pas savoir si tu as l'argent à la maison ou pas. Il s'attend à ce que tu lui donnes quoi? À manger. Mais il ne fait pas de projet sur 20 ans, 5 ans. C'est quand on dirait mieux que les pensées démoniaques viennent dans notre tête qu'il faut qu'ils vivent longtemps. L'enfant, si toi, tu veux faire une formation, le monde te dit que ça va passer. Et si on te dit que ça va faire 15 ans de formation, tu vas dire que 15 ans, moi je vais me marier. Pas vrai? Mais l'enfant là, si il a l'école primaire, tu lui dis, s'il comptait, s'il a la certitude qu'il a encore 6 ans pour fréquenter pour l'école primaire, à condition qu'il ne redouble pas, parce que s'il redouble chaque classe, ça va faire 12 ans. Après ça, il y a encore 6 ans encore au secondaire. Si tu redoubles chaque année, ça fait 24 ans. C'est pas ça. Hein? Si l'enfant avait cette latitude de savoir que quelque chose comme ça, s'il aussi les conditions, c'est qu'il refuse d'aller à l'école. Mais comme il est enfant, il ne connaît pas. Il fréquente seulement les classes qu'il redouble, il redouble. Il prend les difficultés comme ça vient. Et cette année, si je suis l'année passée, il est passé autre. C'est quand il grandit, il est conseillé, merde, j'ai fait du parcours. Il va regarder derrière, il va dire, c'est pour ça que certaines personnes, vous voyez, l'autre dit que j'ai le bac à 16 ans. Il regarde son parcours, il a sauté des classes et autres. D'autres, c'est à 32 ans qu'il a eu son bac. Pas vrai? C'est vrai. Tu dis, moi, il regarde son parcours, lui, il regarde, lui, quand il reste seul, il comprend qu'il a dû multiplier les classes ici dehors. Ce qu'il veut dire, c'est que quoi, il faut être seulement obéissant comme un jeune enfant et laisser le parcours arriver. Tu vas arriver à bon port. Si tu mets ta tête, tu es enfant, tu vas commencer à réfléchir comme quelqu'un du bac, tu vas avoir des problèmes dans la marche chrétienne. Sois seulement juste obéissante. Marche seulement comme le Seigneur le veut. Quand tu vois dans la Bible, quand Dieu te recommande quelque chose, fais. Si c'est quelque chose qu'il a dit, ne pas faire, ne le fais pas parce que l'obéissance, la désobéissance ne te servira de rien. Ça va te faire redoubler la classe. La désobéissance est dans le corps de Christ, c'est que la délinquance juvénile. La délinquance juvénile, vous avez, quand les gens font les effets de masse à l'école, les professeurs et les pédagogues leur disent, c'est l'effet de masse. que le désordre est collectif, mais les reçus c'est individuel. Alors dans la marche chrétienne, c'est une question de relation personnelle. Ne te compare pas avec quelqu'un. Parce que ce que tu as vécu seul. Et ce que tu vas vivre ça seul. Fais seulement attention à tes voies en marchant comme Dieu veut. D'accord? Voilà, et j'ai pris donc qu'il te conduise lui-même, qu'il te bénisse dans ce parcours. Mon cher, si quelqu'un nous écoute, qu'est-ce que tu vas lui dire dans le monde entier, tous ceux qui vont nous écouter? Qu'est-ce que tu leur dis comme voyant tout ce qui est passé dans la famille avec les effets de l'esprit des morts, du maraboutisme et autres, particulièrement dans la religion, dans le cadre africain, haïtien et tous les autres gens de l'île, comme j'ai dit, puis particulièrement pour le Camerounais, les Bamélikés. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Bon, ce que je veux donner comme conseil, ce que j'ai souvent dit même dans mon entourage, oui. C'est-à-dire qu'il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est le seul chemin. Quel que soit ce que nous allons faire sur la terre, quel que soit ce que nous pouvons avoir, si nous ne l'avons pas, si nous ne le connaissons pas, c'est vain. Parce que pour moi, personnellement, ce vide-là, rien ne peut combler. Rien. Et on ne peut pas dire... D'après ce que moi j'ai vu, qu'on va chez les marabouts pour s'enrichir, qu'on va chez les marabouts pour chercher le calme, la paix. On peut pas trouver ça là-bas. On ne peut pas. La protection même, on ne peut pas. Moi, il y a des moments dans ma vie où je ne parvenais pas à dormir. C'est-à-dire que je ne peux pas me coucher sur le dos. À peine je me couche sur le dos, il y a une ombre qui vient m'étouffer. Quand ça arrivait et que je priais au nom de Jésus. Depuis que j'ai compris ça, jamais je n'ai plus eu ce problème. Amen. Je dors en paix sur toutes les positions. Mais maintenant, quelqu'un va te retoquer que, comme dans le cas de ta soeur, j'avais une situation comme ça, on m'a dit que c'est mon grand-père au village qui bloquait, je suis allé faire le sacrifice, comme on a dit, ça a marché. Qu'est-ce que tu vas les retoquer alors? Parce qu'ils ont fait cela, ça a marché. D'autres vivent de ces expériences-là. Et même d'autres, pour d'autres encore, leur grand-père leur apparaît dans la nuit, dans les songes, et leur donne des indications. Et ça marche. Et ça marche. Je ne refuse pas. Je connais, il y a un autre homme. Il a fini, diplômé d'État. Il est sorti, il travaillait bien. Oui. Il a eu les mêmes blocages. Oui. On lui a dit qu'il était trop chiche. Enfin, on a raconté un tas de choses. Oui. Et on a dit qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un travailler sur lui. Oui. Aujourd'hui, il fait la moto. Oui. Il disait qu'avant, il ne parvenait pas à travailler 500 francs. Donc, il ne portait pas les gens. Oui. S'il est seul au carrefour, les clients vont venir attendre les autres motos qui vont venir. Donc, c'est comme s'il avait la malédiction sur lui. Voilà, c'est comme s'il avait la malédiction chez lui. Il est parti chez sa maman, quand sa maman est source là. Toujours elle. Oui. Et ça marchait. Et pourquoi c'est pour celle-ci ta maman? Aujourd'hui, il remercie même ma maman qui l'a amené là-bas, disant que non, vraiment. Tu m'as montré la bonne voie. Mais je sais une chose, ça c'est pour elle. C'est temporaire. Oui, c'est il y aura quelque chose qui lui sera demandé au carrefour. Oui, je sais. Donc ça veut dire que pour ceux donc, qui font ces choses-là et qui marchent dans l'illégalité spirituelle et que les choses marchent, qu'est-ce que tu leur dis directement? Ce que je leur dis directement, n'est-ce pas? C'est de chercher la voie directe. Oui. La ligne droite. Oui. La ligne droite, mais marcher avec le Seigneur. Mais le problème, c'est que les gens vont te dire également que quand ils veulent marcher avec le Seigneur ne répond pas toujours à leurs prières comme ils veulent. Ça ne marche pas comme ils veulent. Non, je sais comment Dieu a vécu ça. Le Seigneur est toujours là. Oui. Il va faire à son temps. Son moment va arriver. Son moment va arriver. Même comme il t'aide à arrêter, répondre pas à leurs besoins. Me voici ici. Et... Peut-être ça fait 3 ans. Depuis la première fois que j'étais contacté, 3 ans. Oui. Me voici ici aujourd'hui. Amen. Ça veut dire que si j'étais venu depuis 3 ans, c'est que certainement ce que je vais, ce que je. Enfin, les difficultés que j'ai eues jusqu'à maintenant, les autres, pas les mêmes qui font. Mais quand même, ces difficultés t'ont permis de traverser certains états et apprendre certaines choses. Oui, oui. Donc, on va marcher. Si on ne veut pas chercher ce chemin-là, on sera obligé de revenir, soit de mourir dans notre corps. Il n'y a pas une autre possibilité. Et si quelqu'un nous écoute, il est marabout, qu'est-ce que tu leur dis? Allons-y, marabout 1. Qui pratique le maraboutisme? S'il est marabout, ce que moi je peux lui dire. Il travaille les esprits. Il travaille les esprits. C'est de laisser ces esprits-là, de se répandre. Et si Dieu veut qu'il continue à aider les gens, s'il pense que son maraboutisme se peut aider, si Dieu veut qu'il aide les gens, Dieu lui donnera cette possibilité d'aider, mais dans la voie du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un dit maintenant que. C'est les traditions de nos pays, de nos villages, qu'on a des villages abandonnés comme ça, pour suivre la religion des Blancs. Qu'est-ce que tu leur réponds? Il n'y a pas de religion de blanc. En fait, ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Oui. Ce n'est pas une religion, c'est la vie. Amen. C'est la vie. C'est-à-dire que si on veut avoir la vie, ce n'est pas que nous respirons, parce que même les animaux respirent. Donc, si on veut avoir la vie véritable, ce n'est qu'en Christ. Ce n'est qu'en Christ. Oui. C'est la vie. Oui. Pour ceux donc qui nous écoutent maintenant et qui sont des enfants des marabouts, des femmes des marabouts ou bien des maris des marabouts et que ceux qui consultent les esprits, qu'est-ce que tu leur dis? étudier ces choses-là. Il faut étudier, il faut chercher le chemin de Jésus-Christ. Amen. Il faut quitter ce chemin, il faut quitter ces choses-là. Amen. Ça ne conduit nulle part. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci encore d'être venu à Douala. Mireille, c'est Mireille. Mireille. Donc, tout à l'heure, Dieu voulant, je ne sais pas comment ça va se passer. Au nom de Jésus-Christ, on va confronter cette tête-là. Tu es chez moi et le Seigneur Jésus-Christ règne ici. D'accord? Amen. Permettez donc qu'il ne pas recevoir d'autres personnes. D'accord. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand quelqu'un vient comme ça, vous pensez qu'on va faire comme ça. Voilà deux personnes différentes. Je ne peux pas les mettre dans le même endroit où parler parce que ce n'est pas le même problème. Il faut qu'un soit dans la chambre et un soit au salon. C'est pas vrai. C'est vrai. Voilà, maintenant, sentez-vous à l'aise. Vous avez votre chambre à vous. Vous avez aller n'importe où maintenant. Mais toi, va dans la chambre, Mireille. Lève-toi. Va dans la chambre. Tu t'assois. Tu te mets à genoux. Passe le temps à genoux. Demande pardon à Dieu. Tout cette fois-là. Tout cela. Et particulièrement la petite chose que j'ai dit là. D'accord? La petite chose que j'ai dit concernant. D'accord? Tu me suis. Parle bien à Dieu. Prends ton temps. Demande-lui pardon. Donc, c'est après la prière de. Vous allez voyager demain à quelle heure? Bon, demain c'est demain. Après la prière, donc on va voir ce qu'il en est, si on va encore poser. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne de contempler ta grandeur chaque jour. Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée. On va l'amener ce soir, on va causer ensemble, on cause ensemble, on cause en famille. Ah, c'est terrible. Là, on a causé, n'est-ce pas? Hey, merci. Mon Seigneur m'aime, honneur suprême, mon Seigneur m'aime, il est en moi. Je redirai toujours mon Seigneur m'aime, mon Seigneur m'aime, il est en moi. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur l'aime, il est en moi. Je redirai toujours le Seigneur l'aime, le Seigneur l'aime. Est amour. C'est merveilleux. On va prier, d'accord? Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour ta magnificence et surtout pour ta puissance. Merci, merci Seigneur, parce que du haut du ciel, tu étends les regards sur tout selon le cœur tout entier à toi. Amen. Merci Seigneur Dieu, parce que tu cherches au Dieu de gloire ceux qui ont le cœur disposé. Et tu te révèles au Dieu de gloire, au faible reste, tous ceux-là qui souffrent et qui soupirent. des choses au Dieu de gloire et qui subissent les fougues et les douleurs de l'ennemi. Mais c'est parce que tu étends ta grâce pour délivrer. Merci Seigneur, parce que tu étends ta grâce pour délivrer ce faible peuple. Merci Père, parce que tu étends ta main, Père de gloire, et tu sors cette famille-là, au Dieu de gloire, de la forteresse diabolique. Merci Seigneur, parce que Satan avait captivé cette famille, Père, depuis les générations, oh Dieu, mais tu es venu pour délivrer. Car il est écrit que tu es venu pour délivrer les captifs. Seigneur, quand tu es entré dans ce temps, ce jour-là, tu as dit que l'Esprit Seigneur est sur toi, et ouais, pour délivrer les captifs, pour annoncer aux prisonniers la bonne nouvelle. Oui Seigneur, tu as annoncé la bonne nouvelle à cette famille, la délivrance. Mais c'est parce que tu as eu un regard favorable, parce que tu as fait toutes choses bonnes en ton temps. Merci pour la délivrance, Père de gloire de Mireille. Merci Père de gloire pour la restauration, oh Dieu de gloire de Jules. Merci oh Dieu de gloire pour tout ce que tu fais dans leur vie et pour tout ce que tu vas continuer toujours à faire dans leur vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifique, que ton nom soit exalté, que toute la gloire te revienne. Que ces larmes, oh Dieu de gloire, se transforment en larmes, oh Dieu de gloire, de joie pour toujours. Et qu'à toujours et à perpétuité, que cette liberté que tu leur as accordée, Seigneur, soit une victoire pour le royaume. Merci Seigneur de gloire parce que, oh Dieu, leurs voies sont ouvertes. Cette famille a eu la restauration et que la puissance du Saint-Esprit marche devant eux. Merci Père de gloire parce que tu les guides dans la vérité. Merci de les avoir conduits ici, dans cette maison-ci. Merci pour la liberté que tu leur as accordée. Merci parce que tu les gardes jusqu'à Yaoundé. Merci parce que, oh Dieu, la paix que tu as mis sur leur cœur, personne ne peut les ôter. Amen. Merci parce que la liberté que tu leur as donnée, on ne peut plus emprisonner cela. Amen. Merci parce que tu vas les utiliser comme les artisans dans les familles pour amener la restauration. Amen. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit à jamais pour toi. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content. Je suis content et même comme je suis sous cette onction-là, je suis sérieux. Je préfère vous prendre encore à chaud. Jésus-Christ est puissant, n'est-ce pas? Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est encore vivant. Amen. La puissance de la résurrection est encore valable pour aujourd'hui. Amen. Et vous en avez expérimenté. Tout à fait. Voilà. Je crois que Frère Achille donne de l'eau à cette jeune, elle est dans le moment pour qu'elle puisse boire. Le jeune s'est terminé maintenant pour qu'elle puisse boire. Frère Achille, que Dieu te bénisse également. Amen. Il y a de l'eau là. Il y a de l'eau dans le canet, non? Dans la canette où il y a le truc bleu là. La canette qui est là-bas. Souffre. Donne-lui l'eau minérale là. Ah ben oui. Donne-lui à boire. Il y a des choses qui se déciment dans le spirituel. Vous êtes sur ce qu'il dit quand vous allez rentrer à Yaoundé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quelque chose qui va arriver, il va falloir maintenant que vous soyez soudés, que vous restez calme. Quelque chose qui va arriver parce qu'il y a les choses qui vont se réveiller. Toi, ça va? Ça va, frère. Raconte-nous alors. Ton expérience, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Tu vois comment tu diriges les choses sur la seule, n'est-ce pas? Hier, on a fini le témoignage. Avec votre témoignage, on a pensé qu'on pouvait prier hier. Mais Dieu a disposé autrement. Vas-y, parle, je t'écoute. Nous t'écoutons. Oui. C'est vrai que quand j'ai amené ma soeur, je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau-là. Je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau. Non, je ne savais pas. C'est vrai qu'il y a toujours eu ces petits soucis. Moi, je me disais, c'est. Puisque chaque fois, comme la dernière fois, elle est partie au village, on disait, c'est la grand-mère qui dérange, paternelle. Le bima dont elle parle, c'est le petit frère ma mère. Donc, c'est notre oncle maternel, le socle, si on peut dire, le pilier de la famille. Nous ne l'appelions pas tonton comme les oncles, mais papa. Et après son BEPC, elle est partie à Douala parce qu'il avait une boutique. Il n'avait pas, comme généralement, quand on monte une affaire, on veut toujours que ce soit la famille qui vient gérer. Donc c'est elle qui est partie pour l'épauler. Moi j'ai eu mon bac également, je suis monté à Douala pour continuer dans ce travail-là. Mais comme j'ai dit, Dieu sait toujours comment lui m'a préservé, toujours. Parce que je suis arrivé, et c'est même là-bas que ma foi a vraiment chuté. Donc quand j'arrive à Douala, j'ai même aussi un peu laissé l'école parce que notre objectif c'était de faire, puisque nous sommes issus d'une famille difficile, notre objectif c'était de faire comme Dieu lui avait permis d'avoir un peu de moyens, de faire en sorte que ça grandisse pour que la famille également puisse en bénéficier. Donc c'était ce qui était sur notre cœur parce que nous voyons c'était le seul, ce qui toute qui la peut, famille peut s'appuyer pour s'aider. Voilà. Donc, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Il y avait trop de fraude. Mon cœur refusait, rejetait ça totalement. En 2016, j'ai donc dit à ma soeur que trop, c'est trop. il faut qu'on rentre à Yaoundé. Mais si on va aller mourir de famille, le mieux c'est qu'on descende de mourir de famille. Je suis parti le premier et je lui ai fait venir par la suite. Non. Actuellement, il doit être au Qatar. Donc, je ne savais pas. C'est vrai, quand ma tante, ma grande soeur, ma mère est décédée, on a dit que c'est l'avant-dernier qui était responsable de son décès. Et le jour des obsèques, comme je vous ai dit, que c'était tendu. Oui, très tendu. Moi, je l'ai appelé. Mon oncle aussi. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais sachez que dans vos choses où vous partez là, vous n'allez jamais arriver là-bas et pouvoir par rapport à moi. Tu lui as dit ça à des bouches à oreilles comme lui, ça. Oui. Je lui ai dit ça, son petit frère était là. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas. Parce que qu'est-ce qu'il a répondu? Rien. Rien. Il s'est calme. Calme, il n'a rien répondu. Parce que je suis allé jusqu'à faire même des menaces. J'ai dit, Dieu me protège. Il m'a toujours protégé. Mais si vous me tentez dans la nuit et que je te vois devant moi. Ça, tu dois dire ça dans les oreilles. Oui, en face. Et que je te vois dans la nuit. Tu me rates dans la nuit. Tu vas peut-être me dépasser là-bas. Mais en journée, je vais chercher le couteau. Je vais te mettre ça dans le corps. Donc tu vas dire que tu rentres dans l'esprit, c'est la chair que tu utilises. Oui. Ah mon frère. Oui. Oui. Devant moi, tu vas chercher un bon couteau. Tu vas le mettre dans le ventre. Quitte à ce que me débarrasser de la famille, pour que la famille soit bien et que moi, je me retrouve en prison. Donc voilà ce que je lui avais dit. Et ce que je lui ai dit la dernière fois qu'on s'est vu. Et quelle était sa réaction? Il n'a rien dit. Ça c'était face à face. Ça. C'était face à face. Et il était regardé, il était calme. Oui. Il n'a rien dit. Rien. Bon, hier, quand on en parlait ici, j'ai dit à ta soeur, face à face, que tu as un être qui habite en toi. Qu'est-ce que tu en dis? Quand tu dis ça, tu as pensé quoi? Bon, en réalité, quand tu as dit, je suis resté calme. Parce que dans mon cœur, il savait que si tu l'as dit, ça veut dire que la solution est là. On l'a dit, il va partir, il va sortir. Donc, je suis resté. Mais si tu savais qu'il y avait un neige? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Quand on venait là, moi, je dis, quand tu as dit là, que moi aussi, j'ai compris. À l'instant où j'ai dit ça, elle était assise là, j'étais assise là. Quand j'ai dit ça, l'être ça a bougé dans son corps. Dans son corps, son corps a changé, même à l'intérieur. Je vais l'interroger, je vais voir. Donc, c'est parce que je ne voulais pas que ma cuisine se casse hier. C'est pour ça qu'il dit qu'on a temporisé ça comme ça pour que le temps que le frère Achille vienne pour me soutenir. C'est parce que comme il avait fui aussi le ministère, il est parti. Il est allé là-bas rendre le ministère chez la femme qui devait voyager pour la Guinée là aussi, comme tu as dit. Donc, quand vous êtes dans la maison ensemble, c'est pour ça que dans cet enseignement-là, les chrétiens peuvent être possédés. J'ai dit que la meilleure façon d'être en Christ, c'est que quand tu crois, il faut que tu passes par la délivrance. Là où elle est maintenant, n'est-ce pas, il lit souvent la Bible avec vous à la maison. Vous priez souvent, non? Vous priez avec cette tête-là. C'est pas n'importe quoi, parce que ma boule est à l'intérieur. Mais il faut qu'elle confronte une puissance étrangère, une puissance qui est au-dessus pour pouvoir se manifester. C'est donc pour cela qu'il dit toujours aux gens que c'est mieux que quand tu es chrétien, tu cherches la délivrance. Si tu es bloqué, il y a le blocage en tant que chrétien, regarde ton commencement. Mais donc, comme elle est libérée là maintenant, elle grandit dans la parole, elle sera imbattable. Donc, il lui faut maintenant garder maintenant la porte fermée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on maintienne cette délivrance-là. Tu vois un peu. Donc, je pense que c'est pour vous montrer que c'est un exemple. On est en décausé hier, je lui ai dit. Il y a un être en toi. Je sais pourquoi ils disent ça. Ils disent que c'était pour la challenger, pour montrer à celui-là qu'on t'a détecté. D'accord. Mais peut-être elle-même ne peut pas être au courant. Elle ne peut pas savoir que c'est comme ça. Mais quand ça se trouve à l'intérieur, quand on priait tout à l'heure, là, il voulait contrôler sa pensée. À un moment donné, elle pensait que c'était elle qui pensait. Donc, il fallait donc qu'on sépare donc, son esprit avec cet esprit-là pour que ça se mette côte à côte. Pour qu'on puisse s'adresser à l'un. D'accord. Tu vois un peu l'espoir. Quand, là, cet esprit-là prend tes pensées. Tu commences à penser, c'est toi qui as de penser. Alors maintenant, les mauvaises décisions, tu prends les mauvaises décisions. Elle peut croire maintenant que c'est quelque chose, ce qu'elle veut faire, c'est sa volonté. Alors que ce n'est pas sa volonté. D'accord, tu peux me dire que je m'interroge. Mireille, bonjour. Déjà, le baptême, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Quand tu es sorti de l'eau, qu'est-ce que tu as pensé? J'étais déjà dit. Tu as fini de. Je n'ai pas fini. Tu as fini de boire. Fini de boire ton nom. On cause bien. Il faut que ta voix soit bien. Bien ouverte. Mais quand même, mes frères juniors, oui. À la maison, il a ce comportement-là. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez être bien le matin, vous tapez le commentaire, elle ne se lève pas dormir, le matin ne vous parle plus. Mais, tu demandes, mais qu'est-ce qu'il y a un problème? Nous sommes dépassés. On a utilisé un terme-là, comme on porte le plateau des beignets pour monter, comme ça pèse. Oui. quand ça pèse là, c'est difficile de parler. Mmh. Donc quand il fait, on dit ok, elle a porté le plateau. Donc, vous voulez me donner une parole de proverbe? Oui. Donc quand quelqu'un rentre à la maison, mmh. on la trouve dans cet état là. Oui. Oui. On demande à l'autre, elle a porté le plateau. Quand c'est lui, ok, c'est bon. On sait qu'on ne lui adresse plus la parole jusqu'à ce qu'elle-même revienne. Elle dépose le plateau et le bénit. Voilà. J'aime ces choses là. Oui. Quand elle a porté le plateau et le bénit, tu comprends que ça veut dire que non, elle est dans ses états. Oui. Il faut laisser quelqu'un ses états, vous, parce que. Oui. Mmh. Nous étions dépassés par rapport à ce que. Ça va changer maintenant. Ça va changer. Mais le Seigneur Jésus a pris la position. Donc, après le baptême de l'eau, maintenant, ok, mais le baptême, ça va, n'est-ce pas? Tu es baptisé. Maintenant, quand on a commencé, quand on s'est levé, on a commencé à prier pour toi. Rien ne semblait se passer, n'est-ce pas? Hein? Quand le frère a commencé à prier, c'est comme si rien ne s'est passé. Quand tu as commencé à prier, même à l'intérieur. Mmh, tu pries à l'intérieur, tu pries à l'intérieur, n'est-ce pas? Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, à un moment donné? Dans ma prière, à un moment donné, quelque chose m'a dit, tu pries quoi? Ne prie plus. Tu as entendu non? Ne prie plus. Mm-hmm. Je suis resté tranquille, je n'ai plus prié. Mm-hmm. Tu as vu? Donc, c'est ça que je t'en ai dit. Je viens d'expliquer ce qui s'est passé dans le spirituel pendant qu'on priait. Donc, quelque chose a influencé ses pensées. Dans ses pensées-là, elle a cru que c'est elle qui l'a fait. À un moment donné, c'est pour ça qu'il faut se séparer. On se prend les mains de côté. Sinon, quand ça fait comme ça, ça commence à te mettre les pensées pour t'influencer. À un moment donné, tu crois que c'est à toi qu'on essaie de s'adresser. Alors que ça a un esprit qu'on a déjà. Et par la suite maintenant, je ne sais pas, il y a une force qui m'a dit, tu ne sais pas prier, reste tranquille, je vais prier. Voilà. Et je vais prier jusqu'à la fin. Mm-hmm. Tu as vu la différence, n'est-ce pas? C'est le processus de dépassement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas apprendre. Il faut seulement vivre ça dans l'esprit. Mm-hmm. Quelles sont les choses qui s'est passées en toi alors donc, pendant que le frère priait, quand il commandait? Bon, j'ai commencé à ressentir quelques sensations, quelque chose qui sortait de moi, mmh. à travers mes doigts. Mmh. C'était comme si c'était de l'air. Mmh. Bon, il y a eu une autre qui a résisté. Elle a dit, je ne sors pas d'ici, ça c'est mental. Mmh. À un moment donné, elle a dit que non, je ne peux plus rester. C'est là où elle a détecté. Mmh. Que je fuis, je vais même chercher ailleurs. Mmh. Je me sentis. Je répète, vous pouvez s'en dire quoi? Je ne peux plus partir ici, oui, on m'a détecté. On m'a détecté, je m'appelle, je peux chercher ailleurs. Mmh. Ça, ce n'est plus ma maison. Donc, en réalité, il y en avait plus, c'est pas vrai. Mmh. Et tu as marqué chaque fois ici, tu penses que c'est ici. Il y a des choses. Il y a l'autre qui est sorti, parce que moi, l'autre passe, c'est moi. L'autre par le pied. L'autre par la bouche. Mmh. L'autre est sorti par la nuque là. Tu as remarqué qu'à chaque fois, il pointait le doigt, il fait comme ça, le pied allait dans cette direction-ci. Oui. Pointe comme ça, la main va comme ça. Là. Oui. Pointe à un moment donné. Mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. À un moment donné, c'est retourné vers moi. Oui. Tu as remarqué. Oui. Elle me fixait dans les yeux. Il avait le doigt fixé, pointé sur ses doigts. Oui. Après, il remarquait, quand il suit ce qu'elle voulait faire, j'ai bloqué comme ça, n'est-ce pas? Oui. Quand il fait comme ça, boum, elle a fermé les yeux, pas vrai? Non. Il peut tomber de l'autre côté. De l'autre côté. Si peux, ça, tu ne peux pas savoir ce qu'il avait. C'est déjà d'esprit, quand il t'attaque avec cela. Il peut t'envoyer injecter les choses au travers de tes yeux. Pendant que tu es dans le processus de délivrance, tu t'es tout en train de penser à autre chose. Tu oublies la délivrance qui est là-bas. En tout temps, il prend le renfort. Ok. Tu dis, ok, ces choses-ci, il faut les vivre dans l'esprit. C'est pour ça que c'est tourné vers moi. C'est tourné vers moi comme ça. J'ai pointé le doigt là-bas. Quand j'ai pointé le doigt, il savait qu'il voulait envoyer quelque chose. C'est là que j'ai envoyé la main. Quand j'ai envoyé la main, c'est un brouillard. Donc, il a fermé les yeux maintenant pour se tourner de l'autre côté. Donc, les choses se passaient. Alors, chaque marabout que tu entres, c'est quoi, il donne des socles, il donne des socles, mais il y a un chef qui était là. Donc, c'est terminé. D'accord? C'est terminé. Plusieurs fois, on a décrété sa mort, mais ça n'a pas arrivé. Plusieurs fois. Donc, c'est terminé maintenant. Qu'est-ce donc que tu peux dire au Seigneur Jésus maintenant qui t'a libéré? Donc, vous rentrez à Yaoundé maintenant, vous restez calme. D'accord? Dites à votre maman, parce qu'elle n'est pas prête pour supporter certaines choses. Dis-lui seulement que ça s'est bien passé, on a prié pour toi. Elle pour son avenir, c'est ouvert. On attend seulement maintenant la grâce de Dieu. D'accord? D'accord. Mm-hmm. Donc je n'ai pas lui dit pour la mort de mon ne dis absolument rien, ne prononce absolument rien. C'est pas de ton domaine là-bas. Reste absolument tranquille. Mais j'ai dit, quand j'ai dit, comme il dit à l'intérieur là-bas, qu'il y a des choses qui vont arriver comme répercussion. Restez comment? Tranquille. Alors qu'est-ce que tu peux donc dire au Seigneur Jésus? Glorifié. Mais maintenant, la Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 1, que je vous exhorte par les compassions du Christ, de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Seigneur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc maintenant que ton corps, ton âme et ton esprit soient pour lui. D'accord? Qu'il te bénisse, d'accord? On va en faire les yeux, tu manges pas mal. Si tu crois comment faire les yeux ici, non? Ah! J'aime ça. Donc, ça veut dire que tu as jeûné jusqu'à Yaoundé. Oui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma mission est terminée. Merci beaucoup. Non. Merci. disons, gloire au Seigneur, d'accord. Vous connaissez la maison, à chaque fois si vous venez à la maison, d'accord. Que Dieu vous bénisse. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi, chanter ça comme ça. Ça sera dans mon cœur que à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Je peux même poser une question. Quand tu as vu ta soeur au sol en train de faire ces choses, en train de faire ces choses-là avec ces manifestations-là, tu pensais que c'est quoi? En fait, j'ai pensé que c'est sa délivrance qui arrivait. Mais tu savais que c'est des choses comme ça pouvaient arriver? Non. Mmh. Non. Quand nous venions, non, je savais juste qu'on devait simplement prier, non? Ah. Oui, simplement prier. Okay. Donc, je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau. Donc, tu vois maintenant que les gens marchent debout comme ça, les gens ont des problèmes, ça s'en rend compte. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc là, les problèmes qu'elle expérimentait sont causés par ces esprits qui s'est bloqué l'eau là-bas. Quand ces esprits sont là, ils ferment dans ta vie, n'importe quoi que tu vas faire de l'extérieur, ça ne va pas marcher. Et par exemple, quand il dépose le dossier, tu déposes le dossier, fais un peu comment on choisit quelqu'un, on la laisse. Le problème n'est pas au niveau du dossier. C'est pour ça que les deux personnes disent que j'ai le front de Makéo, c'est pas ça. Il y a un être, quand l'être est délivré, tu entres dans ton parcours. D'accord? D'accord. Dieu vous bénisse. Amen. Dans la paix. Amen. À toi, toute la gloire. À toi. L'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Oh Seigneur Jésus, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu